captivant, t'es sexy. Ça n'a pas de bon sens, Sylvain. Tu dois avoir chaud. J'ai tellement chaud, là, c'est sûr que mon macara va couler. Ça, c'est drôle. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Alors, bienvenue tout le monde à cet épisode numéro 72, le quatrième épisode des 31, dédié aux 31 jours d'horreur. Et bien entendu, c'est moi, Sébastien Bouchard, au micro. Et cette semaine, j'ai une gang de fucked up ben red. J'ai goût d'y aller dans le désordre et d'y aller en dans l'ordre de, du plus, du moins d'efforts vers le plus d'efforts. Alors... On va y aller tout d'abord avec du podcast Les Oubliettes. On a Olivier qui a, ben écoute, salut Olivier. J'ai un couteau. Un couteau, t'as un couteau. Je... Il a pas resté les mêmes mots. Je suis malade. C'est ça. J'ai le droit. C'est au cas où tu veux te faire une saignée. J'ai mis mon fameux chandail de... Ultra-violent. Oh. Non, mais c'est qui ça? Non, t'as peu, je vois pas bien, là. C'est quoi ça? Hey, si vous connaissez pas ce film-là, je vous parle House plus, by là. The Cemetery. Merci, Steven. Et oui, c'est la grande supplicée italienne qui s'est faite. Cette fille-là, là, elle s'est faite. C'est la grande martyre du cinéma italien. Il n'y a pas un film italien où cette actrice-là n'a pas joué, où elle ne s'est pas faite massacrer. Là. Vraiment, là, c'est la... City of the Living Dead. Celle qui pioque. Ouais, c'est vrai. Pas, ça. Bon. C'est elle. Puis dans d'autres films de Fulci, genre. Fait que je me concentre avec ça. C'est bon. Écoute, t'es, ouais, t'es correct. On t'en veut pas. Parce que là, il vient d'apparaître, puis il était pas là tout à l'heure, parce que je l'aurais présenté en premier. Parce que on le sait pas s'il a fait un effort ou pas. Il n'y a pas de webcam, il est juste là en audio. Et c'est Marc-Antoine Labonté du podcast Horreur Web. Salut Marc-Antoine. Salut. Bien sûr, j'ai pas fait d'effort. As-tu un costume d'Halloween cette année, Marc-Antoine? Non. Es-tu un costumeux? Jamais... Ouais, t'es ça. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Bon. C'est correct. On est là pour ton opinion et non ton look. Je suis plate. Ben non. Hey, vous venez de l'entendre parce que bon, c'est le prochain qui a fait le moins d'efforts. C'est un mix entre Boy George puis un pyjama de clown. C'est Steven Lefrançois. Salut Steven. Do you really want to hurt me? C'est ça qui est ça. Salut Sébastien. T'as l'air en forme? Oui, je pète le feu. Excellent. Et on continue avec un invité spécial. Mais j'ai une invitée spéciale. On l'a jamais eu dans le show, mais je pense que ça vaut la peine de l'inviter. On a Paz de la Huerta ici. Salut Paz. Hello, sweet. Ah, oh, c'est ok, c'était ça pour vrai. Eh oui, vous l'auriez connu. C'est Sylvain Demanti. Oh, salut Sylvain. Bonsoir. C'est pour vrai. Et oui, écoute, j'ai deux costumes. J'ai mon costume de sadomasochiste, puis j'ai mon costume de passe. Je suis pour ça. Faut que tu te graisses la face un peu mouillée, genre, pour qu'on puisse faire belle, genre, comme ça. Attends, je vais boire la bière, puis mon rouge à lèvres va sûrement partir. Oh, wow, ça va être chic. Ça va être beau. Faut que tu nous lâches. Fais-le pas tout de suite. Sylvain, fais-le pas tout de suite. Je veux que tu nous lâches en surprise au cours de la soirée. Mais il faut que tu nous fasses un Just as Girls. Oh, à un moment opportun. Oui! Je le veux. Tu nous l'as fait. C'est obligé pour être là ce soir. Hey! La dernière est celle qui a fait un effort assez incroyable. Merci. Vous irez voir le live, là, parce que là, ceux qui l'écoutent en différé, en MP3, vous le verrez pas. Mais on a Audrey la squelette. Mais là, je dis la squelette, vous faites comme non, non, ouais, ouais, c'est ça. Non, non. C'est fucking cool son costume. Salut Audrey. Allô. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, toujours. Merci d'avoir fait un effort. Parce que ben, finalement, moi et Steven, les deux réguliers, c'est ça. On est dans ceux-là qui en ont fait la moins. Ouais, mais tu te nommes en premier, là. Oui, c'est vrai. Je me suis nommé en premier. Mais moi, je suis juste en Mario Bros. Je me suis collé une moustache, mis un chapeau, puis j'ai monté tout Yoshi. Fait que, ben, écoute, c'est ça qui est ça. Mais, hey, ça, c'est pas grave. Costume, pas costume. Je pense qu'on a un excellent show devant nous ce soir. Et, hey, juste avant qu'on passe au show, je suis content parce que il y a pas juste toi, Steven, qui est allé au Requiem Fear Fest en fin de semaine. Olivier, t'es allé? Oui. Est-ce que t'es allé, Audrey? Non. Non. Sylvain? Non. Marc-Antoine? Non. Non, bon ben. Olivier, Steven, une chance d'être là pour nous en jaser. Moi, j'ai manqué ma shot. Je n'ai pas pu m'y rendre. C'était supposé. J'avais même ma passe média de toute. C'est la première fois de ma vie que j'avais une passe média puis j'ai même pas pu m'en servir. on veut vos impressions, Steven, Olivier. Honnêtement, je pense que côté festival, okay, c'était pas grandiose. Il y avait beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça n'a pas été le succès qui serait été censé être. Honnêtement, oui, il y avait les Ladies of the Dead que moi et Steven, on était comme... Allô? Mais comme je ne vais pas aller me faire signer une carte de 50$ avec ta photo, même si j'ai écouté ton film toute ma vie, c'était tout petit, j'étais malade, je filais pas, j'en venais chez le médecin... Steven m'a accompagné pendant tout le long, super fin. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Un petit peu trop de, je dirais honnêtement, un petit peu trop de budget qui était passé sur des t-shirts pour des personnes qui disaient Requiem Fest pour dire c'est là, c'est là, c'est là, okay. Montez en haut, montez par là. Alors qu'un petit badge, ça aurait fait la job. Oui, mais c'était tout petit. T'sais, je vois l'effort puis je continue d'encourager. Vraiment, je trouve que pour une première fois, bravo quand même. On a été quand même dans beaucoup de conventions. T'sais, Steven ou tout le monde, ou Sylvain, Paz. Ah, c'est jamais sorti. Non. Si son film n'est pas présenté, il va pas. Mais... En fait, le plus gros problème, je trouve, et que je crois, c'est qu'ils ont juste mal cédulé leur festival en même temps que Space et la fête de semaine de l'Halloween. Fait qu'autrement dit, les gens n'étaient pas au rendez-vous. Et comme dit Olivier, l'effort est là, puis tu sais. La première chose que j'ai eue comme feeling en rentrant dans la pièce des vendeurs, tu sais, je me suis comme dit « Ah, je me sens chez moi. Tu » sais, j'aime ça rentrer dans une pièce où ça touche que l'horreur. J'aimais vraiment ça. Tous les vendeurs qui étaient présents étaient super sympathiques. Honnêtement, j'ai rien à dire de négatif sur l'organisation. Mais c'est plus, ça me faisait de la peine de voir que les gens n'étaient pas présents. Puis je voyais la peine qu'il y avait chez les personnes qui ont organisé le festival. Et ça m'a un peu démoralisé alors que j'étais supposé être là puis triper. Ça, c'est un point qui m'a vraiment agacé puis je trouve ça vraiment dommage parce que ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts, mais je pense que c'est juste une série de bad luck qui a fait en sorte que ça a pas fonctionné comme la gang voulait, malheureusement. Ouais. Mais est-ce que tu peux me dire en quoi ça consistait? C'est comme il y avait les Ladies of Evil Dead, il y avait des vendors, est-ce qu'il y avait d'autres panneaux? C'était quoi les activités qui étaient prévues? Ben, en fait, c'est ça. Tu avais les vendeurs dans une pièce, puis de l'autre côté, tu avais trois salles où il y avait des films qui jouaient toute la journée. Fait que dépendant de l'horaire puis les films que tu as envie de voir, ben, tu pouvais vaguer entre ça. Puis tu avais aussi salles. La maison hantée. Ouais, des petites salles. OK, c'était pas des salles de cinéma? C'était... Non. C'était petit. Ben, le tout se déroulait dans un hôtel, hein. Fait que c'est limité, mais. La maison comme... hantée, c'est l'affaire de Maleficia, là. Oui. C'est pas la même chose. OK. Non. Oui. Mais oui. Okay. On va... Une maison hantée, Steven? Pas vraiment. J'ai plus entendu parler de maison trash, là. Oui. Ouais, moi aussi, c'est ça. J'en ai entendu parler. Ouais. OK. Mettons que c'était un genre de truc mauvais goût. Oui. T'es-tu allé, Olivier? Steven m'a demandé... Quand on était à l'hôtel, il m'a dit « On va-tu? » Steven, je fais le pas trop. Il dit « Devrais-tu y aller avec ma blonde? » Non. moi, en partant, quand on me, moi, on me dit « C'est une maison hantée qui était faite selon Cass de Love Story. » Est-ce que vous vous souvenez de Cass, Mathieu Cass de Love Story? Non? Non. Je vois le douchebag avec des tatouages et des zombies. Non? Non, en tout cas, c'est lui qui a créé cette maison hantée-là, qui, selon ce qu'on a su, est plus une maison trash. Mm-hmm. C'est pas une maison hantée. C'est pas l'hôtel 54. Moi, je recommande à tout le monde d'aller à l'hôtel 54 si vous voulez aller voir une maison hantée, un super spectacle ou quoi que ce soit. Là-bas, tu rentres, c'est du trash. Il y a Simon, qui n'est pas là, m'a envoyé des messages qui ont été envoyés comme quoi qu'il y a des filles qui carrément se sont faites venir d'en face par du monde là-bas, à toucher ou quoi que ce soit, bref, explicite. C'est, pour moi, ce n'est pas une maison hantée. Moi, je veux avoir peur. Mm. Maison trash pour faire du torture porn ou whatever. Non. On n'a pas le goût d'aller dans un hostel, tu sais, non? Non. Pour moi, c'est pas de l'horreur. Personnellement, moi, c'est pas ça qui m'effraie. Là. Moi, j'ai vu quelqu'un s'était fait cracher dans la face. Genre, c'est mon cauchemar. Quelqu'un me crachait dans la face. Je serais en prison. c'est... C'est plate parce que c'est un peu ce qui m'a fait y aller de reculons à cette maison-là. C'est tous les commentaires et la polémique que j'ai entendue. Fait qu'en même temps, j'ai pas envie de la bâcher parce que je l'ai pas essayé. Fait qu'honnêtement, je peux pas vraiment certifier toutes ces choses-là, mais c'est un peu la raison pour laquelle je l'ai pas faite. Puis j'ai demandé à Oli parce que je me disais peut-être qu'avec un peu de courage, si j'ai quelqu'un qui m'accompagne, je vais y aller. Mais dès que j'ai vu l'expression faciale à Olivier, j'ai complètement non. C'est malade. Je suis malade. Mais j'aurais été avec Steven hier, en forme, juste pour, selon tout ce qu'on entend par rapport à la maison hantée, juste pour crisser mon poing s'il y avait quelqu'un, là. C'est sûr. Non, c'est ça. Bon. Ouais. Il y a Steve Hutchison qui dit « C'est le cannibale holocauste des maisons hantées. » Puis il dit peut-être que c'est pas du vrai sperme, Steven. Non, mais en plus, c'est pas du vrai sperme, mais c'est quand même dégueulasse comme l'image. Peut-être que c'est pas du vrai sperme. Si c'était du vrai sperme, il y aurait un viol. Il y aurait juste un viol. Il y a un gars qui aurait vu dans la face de quelqu'un sans son consentement. Je m'excuse, ça aurait été épouvantable. Mais le fait que, même si c'est juste la représentation, c'est pas super. Mais c'est plate que le festival Maléfica se soit associé puis qu'on finisse par penser que c'est les mêmes personnes, tu sais, en bout de ligne. Ouais, parce que c'est complètement différent, tu sais, c'est pas la même équipe du tout, fait que... C'est ça, tu sais, si on met de côté tout ça, j'ai quand même passé vraiment un bon moment là-bas. J'ai rencontré mes amis, j'ai fait des nouvelles connaissances en même temps, très sympathiques. Et des j'ai beaux achats. Des gros achats, ça, c'est une des choses les plus mémorables du festival. T'avais une table avec des arrows, des synapses, t'avais tout mélangé. Oh. C'est comme, essaye de résister après ça. Là. Moi qui essaie d'avoir un budget raisonnable, c'est comme, fuck you le budget, ah ouais, j'achète. Puis Olivier qui est comme, ah, oh, tu sais, puis 6,45, tu devrais te laisser aller. Je suis comme, arrête de... Ouais, je suis assez. Je me l'avais acheté tous les deux. Je suis assez, toi aussi. OK, on l'a acheté les deux. Ouais, c'est ça. Ah, tu m'as envoyé tes photos, fait que je vais faire un album sur la page Facebook tantôt. Oui. Ça vous intéresse, les amis, oui, spectateurs. C'est drôle, Marc-Antoine qui est plus. Je me rends compte qu'il est plus sur Skype. Non, il a dit ça a foiré. Hein? Il a dit que son PC, il foire. Bon, OK. Bon, mais Windows 95. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Back on the dark side. Mon Windows 95 rame trop. Windows 95, Marc-Antoine, vraiment? Je pense qu'il est sarcastique. Je pense que oui. mais il dit, j'aime vous entendre marcher sur des œufs concernant le Requiem. Ben, ça reste que c'est une première édition. T'sais. Moi, je suis allé cet été, ils ont fait le SAG Geek, qui ont fait un genre de Comic-Con, mais à Jonquière, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était pas grand-chose, puis ils n'ont pas reçu grand-chose. Mais l'effort était là, puis on veut le revoir un effort. Puis je suis sûr que les organisateurs du Requiem Fear Fest, s'ils peuvent se le refaire l'année prochaine, ils vont avoir appris deux erreurs et corriger des trucs. Ben je l'ai dit, n'hésitez pas à le refaire. C'est une première année, puis gars, moi, j'en veux une deuxième. Puis oui. D'habitude, la première année, tu apprends des erreurs, puis de qu'est-ce qui marchait pas, puis tu essaies de corriger ça l'année prochaine. T'sais, surtout que ça n'a pas vraiment été mentionné, mais il y a plusieurs bénévoles qui ont annulé à dernière minute. Oui. Ils se sont retrouvés dans la merde pour ça. Même chose pour les vendeurs. Il y a des vendeurs qui ont annulé. Fait qu'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes. Mais je suis sûr que l'année prochaine, ils pourraient vraiment nous offrir quelque chose d'encore plus cool. Puis oui. J'ai pas envie qu'ils se laissent décourager à cause de cette première année très mitigée. Faut pas. Puis dans le dernier segment de l'épisode où ce qu'on parle des films qu'on a vus qui n'étaient pas sur la liste, je vous demanderai rapidement ce que vous avez vu pendant le festival. J'imagine que vous en avez écouté quelques-uns. Pas vraiment. Vous êtes pas allé ça, c'était pas assez. C'était pas accueillant pour aller voir un film, genre? Peut-être pas. On n'a pas été voir le film. Le temps a passé tellement vite que les sélections de films déroulaient rapidement, puis je faisais juste parler à plein de gens, avec les vendeurs, les amis, puis on manquait tous les films. Fait que je me sens mal de dire que j'ai pas vu un film vraiment. Là. J'ai assisté aux Oubliettes live, mais j'ai assisté à Simon Bridge live, je veux dire. Ouais. Mais, Olivier, t'as pas pu y aller, ouais. J'ai quoi, 10 minutes? Je suis arrivé. 10 minutes de la fin. Ouais, 10 minutes de la fin. Bon. Fait que oui, Small Bridge Live. mais comme Steven mentionne, le festival était très bien organisé, dans le sens que tu rentres, tu sais où tu vas, tu as tout le temps quelqu'un qui te dit où aller. C'était bien organisé. C'est juste que malheureusement, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas de temps à voir. Mais on avait des amis à nous qui vendaient là-bas les films, des posters ou quoi que ce soit. Mais comme côté film, quand on dit des petites salles, c'est des petites salles. Okay. C'était tout petit. C'était comme la salle où. Oui, la salle où on a fait le show des Oubliettes, c'était tout petit, c'est minuscule, tu sais. Donc, je peux pas critiquer si c'était la première fois pour ce festival-là. Fait que moi, je les encourage. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est que je les encourage. C'est pas aussi grandiose qu'un Comic-Con ou quoi que ce soit, mais comme je les encourage au bout, on a rencontré du monde, des collectionneurs de films d'horreur du Québec, c'était le fun pour ça, se croiser, mais les Ladies of the Dead a fait l'air de s'emmerder en calvaire, là. Moi, je suis allée les voir au Comic-Con, puis j'ai fait signer une affaire à 50$, comme tu as dit tantôt, avec no shame. C'est cet excès, c'est gêné. Passer à côté d'eux autres, comme on va-tu se faire facturer parce qu'on passe à côté d'eux autres, tu sais. Mais j'étais avec Steven. Steven m'a tenu compagnie pendant que j'étais malade. C'était le fun. Ouais. Moi, je voulais que... qu'on en garde une image positive. Moi, je voulais que Steven y aille voir les Ladies of Evil Dead puis qu'il lui demande: Hi, this is the Ladies of the Living Dead, and you're listening to Horror Gamer. Tu sais, je voulais qu'on aille. Horror Gamer. Ouais, tu sais, là, quelque chose de hot. Finalement, ben, regarde, on demandera à Paz, c'est encore bien plus hot. Paz. Hey, gang. Est-ce qu'on se start ce show? Let's go, oui. Let's go. It's a go. On lance. It's a go. Et on est de retour pour commencer à parler de cette semaine quand même assez chargée de films, puisqu'on va quand même aller jusqu'au film présenté demain. Donc on va aller dans le futur, mais pour l'instant on reste dans le passé avec tout d'abord une suggestion de notre ami Steven, qui nous a suggéré le film Three Extremes. Yes! Go mon Steven, jase-nous de ça! Ben moi, j'ai proposé ce film-là parce que dans un marathon de films d'horreur au mois d'octobre, c'est important d'avoir une anthologie, selon moi, et pas juste Trick or Treat, parce que c'est un peu trop facile de prendre celui-là. Puis je voulais prendre une anthologie qui était plus ou moins connue. J'ai l'impression que les gens lui accordent pas autant d'importance que ça, contrairement à un Creepshow puis tous les gros classiques. Et pourtant, Trick Extreme, pour moi, c'est une des meilleures anthologies qu'il y a pour la simple raison qu'elle se démarque, mais aussi que la plupart du temps, dans une anthologie, tu as tout le temps des segments qui sont plus faibles, ce qui fait en sorte que ton opinion de balle peut jouer un peu. Tandis que Three Extremes, je trouve que les trois segments sont sur le même piédestal. Les trois segments sont puissants, originaux, différents et très marquants. Et c'est évidemment, c'est une anthologie asiatique par trois réalisateurs bien différents. Le premier qui est Fruit Chan, réalisateur de Shin. Ensuite, on a le deuxième réalisé par Park Chan-wook, réalisateur coréen de Old Boy, entre autres. Et le troisième, Takeshi Miike. Plus besoin de présenter Adjudicator, Audition, tous ces grands classiques. Faut-tu résumer les trois histoires ou comment on fonctionne vu que c'est une anthologie? Écoute, ça, c'est toujours un peu... Ben, vas-y avec ton opinion générale, puis au pire, général. Si vous voulez commenter des certaines de ces histoires-là, c'est quand même juste trois histoires. Là. C'est pas, okay. On est loin d'un VHS ou d'un ABC of Death. Là. Ok, je vais y aller rapidement sur les trois séparément. Le premier, Dumpling, de Fruit Chan, qui est en fait un long métrage qui a été raccourci pour Three Extreme. Et ce qui est marrant, c'est que quand t'écoutes le segment dans Three Extreme, ça a vraiment l'air d'un court métrage d'horreur. Mais quand t'écoutes le film, on est beaucoup plus dans un drame. Ça fait toute la différence. C'est là qu'on voit la magie du montage. Mais dans la version Three Extreme, je trouve que c'est un segment vraiment malaisant, mais fascinant en même temps de voir une madame qui sent toute vieille, qui a l'impression que son mari va voir ailleurs, qui n'a plus le goût d'elle, puis qu'elle est prête à aller manger des dumplings très spéciaux. Je ne vais pas dévoiler les ingrédients, mais un ingrédient très spécial. Et c'est vraiment un segment qui fait froid dans le dos, moi, qui décolle l'anthologie de manière assez forte. Le deuxième, on embarque plus dans un genre de pattern particulier de Park Chan-wook. Je pense qu'on est en terrain connu avec lui. Il est tout le temps dans son thème de la vengeance avec ce réalisateur de films qui se fait kidnapper et attaché dans une de ses salles de tournage par un sinistre inconnu qui a également attaché sa femme à un piano avec toutes sortes de fils étranges et qui va lui demander d'assassiner quelqu'un devant lui. Puis que s'il n'ose pas le faire à toutes les 5 minutes, ben, il va juste tout simplement couper un doigt de sa femme jusqu'à temps qu'il le fasse. C'est un segment très humoristique, l'humour noir est très présent, t'as des moments, mais en même temps ça fait tout le temps la touch de Park Chan-wook. C'est quelqu'un qui mélange assez habilement la violence et l'humour noir, et c'est un segment que j'aime beaucoup les huit lots, et celui-ci est très... très tendu, très le fun. Son leader, sa victime, l'acteur qui est joué par Byu Moon Lee, acteur fétiche de Kim Ji-woon, qui a joué dans Assault the Devil et plusieurs autres films de ce réalisateur-là, est vraiment excellent ici. Et non, ça, c'est un autre segment qui est de très haut calibre. Ouais, acteur fétiche de Chantal, évidemment. Et on termine. On a juste entendu un petit. Et on termine. Et on termine avec le segment mon préféré du lot, même si je considère les trois très hauts, Box de Takeshi Miike, qui nous offre sans doute son segment le plus touchant et le plus beau visuellement, pratiquement. Et c'est l'histoire très, très bizarre d'un... Comment je pourrais nommer? C'est un genre de présentateur de cirque qui utilise deux petites filles jumelles pour offrir des spectacles dans des petites boîtes et les faire disparaître. Et il entretient une relation assez d'amour assez intense et malaisante, mais toutefois passionnante. Il y a vraiment quelque chose d'entre les deux qui se dégage de ça. Et il va arriver un événement très tragique et on va suivre plus tard une de ces deux jeunes filles-là, plus grande, qui va se remémorer ces vieux démons qui vont refaire surface. Et ça donne lieu à quelque chose de très psychédélique. On vague dans une espèce de rêve éveillé. Visuellement, c'est vraiment sublime. Takeshi Miike maîtrise parfaitement son film. Tu sais, on a tout le temps tendance à l'identifier justement avec son Ichi de Killer, ouais. Ou Visitor Q. Tu sais, Takeshi Miike, c'est un gars qui est là pour choquer. Non, il est aussi capable d'offrir du contenu intelligemment sans forcément dévoiler de la grosse violence gore. Puis c'est un segment vraiment maîtrisé qui me plaît énormément. À chaque fois que je le revois, c'est une nouvelle claque qui monte dans mon top de mes films favoris de Takeshi Miike. Fait que moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Cool. Je sais que Audrey et Olivier, vous l'avez déjà vu ce film-là aussi. Oui. Oui. Êtes-vous du même avis que Steven? Oui, oui. Mon histoire préférée, l'histoire du, sans spoiler quand même, l'histoire du piano, je pourrais dire, c'est assez spécial, oui. Mais c'est tellement bien réalisé. Chaque fil, c'est super bien calculé dans ce film-là. C'est un revenge, on s'entend, comme petit court-métrage. C'est tellement bien exécuté, là. Puis il y a eu un 2, je crois. Ensuite, je me souviens plus. Je l'ai vu, mais l'histoire du piano, toute la sensibilité, toute la... comment je pourrais dire... à l'approche humaine, à ne pas faire, comment je peux dire, ne pas tromper ton partenaire, je peux pas le dire. Côté son. Oui, je peux pas, c'est très bien réalisé, très très bien, fait que oui, je trouve que Three Extremes, côté anthologie, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, on s'entend. Mais il y en a, mais il n'y en a pas des tonnes qui sont bonnes. Méconnues. C'est genre dans le temps où je travaillais dans des clubs vidéo où tu avais ce DVD-là tout seul qui ne se faisait pas louer. Il fallait que les employés. Ah, je veux voir de quoi de spécial ce soir. Il y a ça ici. Il fallait le recommander. C'est un petit film méconnu. À recommander. Donc, je trouve que Steven l'a super bien écrit. C'est très bon. Cool. Et Audrey? OK. Ben moi, j'ai juste eu le temps de voir le premier segment, puis après ça, ma location a expiré. Fait que je vais parler de ça. Je vais d'abord y aller avec des spoilers. ouais, par rapport au dumpling. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une phobie de la grossesse, de l'enfantement. Fait que j'ai vraiment dû détourner le regard en écoutant ce segment-là, genre, âme sensible, s'abstenir, vraiment dérangé. Puis habituellement, j'ai pas vraiment d'âme, je suis vraiment blasée en écoutant même les films d'horreur. Mais ça m'a vraiment donné quasiment mal au cœur. Ouais, L'aspect sonore là, est incroyable là-dedans. Ouais. Ouais. Ça me donne le goût d'en manger, moi. C'est sensible, écoutez-le pas, mais c'était efficace. J'ai aimé ça. Cool. Bon choix, Steven. Merci. Cool. Est-ce qu'on en rajoute ou on passe à Unrest? On y va. On y va avec Unrest. Unrest, c'était une sélection de Danny Champagne, d'Horreur Web. Et... c'était un... comment t'as appelé ça, lui? C'était une sélection de... J'ai oublié le nom là, de ce coffret-là. Là. C'est les... After Dark? Merci. Oui, oui. Merci, Audrey. Oui, oui. Ouais. Donc, la collection des After Dark, qui sont, bon, qui c'est une sélection de films qui sont pas tous des films recommandables, mais Danny semblait nous dire que ça, c'était un de ses, de ses bons là-dessus. Ça raconte rapidement des étudiants en thanatologie qui vont devoir disséquer un cadavre, mais bon, ils vont s'apercevoir que la cadavre qu'ils devront de la fille qui est morte et qu'ils doivent disséquer et tout ça serait peut-être morte dans de drôles de circonstances et s'ensuit une série de meurtres qui serait peut-être causée par ce cadavre-là ou en tout cas une entité l'école de médecine. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à quelque chose de meilleur que ça. Danny l'avait très très bien vendu. Danny l'avait très très bien vendu. Puis ça, c'est une des qualités de Danny. À toutes les fois que j'écoute le podcast Horror Web, Danny est un excellent vendeur de films. Quand il a aimé quelque chose, t'as le goût de l'écouter parce que tu fais comme hey, comment ça a l'air bon, mais des fois il y a des bons vendeurs qui sont pas qui vont te vendre quelque chose qui n'est pas fait pour toi. T'as pogné la voiture brisée dans le fond. Je sais pas si elle était brisée. Ou c'était. Je pense que c'était juste une voiture qui me convenait pas. Il m'a vendu une voiture sport ou une. Elle a pas démarré, la voiture. Non, c'est. j'adore. La voiture n'a pas démarré. C'est ça. Le setup est parfait pour avoir un petit film d'horreur bien sympathique, bien cool. Et comme Audrey a dit, ça part pas, ça lève pas. Les séquences d'horreur me laissait très très froid. Je sais qu'Audrey, toi, t'as beaucoup à dire sur le côté pas esthétique. Là, mais... Ah, écoute, moi, de voir, à un moment donné, j'ai écrit, il y a un gars qui amène sa blonde dans la place où il dissèque le cadavre. Fait, veux-tu voir le cadavre? Ben oui, je veux voir le cadavre, t'es sûr? Oui, je veux voir le cadavre. Puis là, elle voit le cadavre, la fille est ouverte, là, elle a le chest ouvert. Puis elle prend sa main, puis elle le met sur le chest, elle a pas de gants, tout ça. Là, t'es comme, urk! C'est un cadavre, un mort, tout, tu y mets la main, pas de gants. Puis là, tout d'un coup, le cadavre pousse un genre de. Tu sais, genre, comme on pourrait penser de l'air qui sort des poumons, quelque chose comme ça. Et là, elle est comme, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu! La capote, puis il est comme, mais la chérie, ça va? Elle dit, j'ai jamais demandé à voir un cadavre! Là, t'es comme, mais come on, là, tu me viens dessus si tu t'avais les mains dedans. Tu sais, va pas mettre la faute sur ton chum, t'avais les mains dans le cadavre quasiment, là, tu sais. T'as demandé à le voir il y a 2 secondes. T'as demandé à le voir il y a 2 secondes, tu t'es mis à la main dedans, là, tout d'un coup, c'est ton chum, c'est le pire des écœurants. mais c'était un peu ça, c'était un peu bizarre. Mais c'était quand même. On avait parlé, voilà une semaine ou deux, d'un film où c'était dans Leeches, où on disait que c'était un gars qui voulait pas coucher avec la fille, qui refusait la fille. là... dans un film de David de ça m'a dit quoi. mais c'est ça, ben, dans Unrest, ça m'a quand même surpris, parce qu'il y a un catholique là-dedans qui arrête pas de dire la fille, elle le veut, là. Ah, il sauterait dessus, puis comme non, moi je suis catholique. Finalement, bon, il se fait savoir, là, parce que bon, ça reste que. Hein, il fallait qu'il se fasse savoir. Puis cette scène avec 2 étudiants qui sautent dans un bassin de formol pour aller chercher un cadavre. Je m'excuse, mais là, moi j'étais comme, comment, là, du formol, c'est cancérigène, ça chauffe la peau, tu pourrais virer aveugle, mais eux autres sont là-dedans, ils ont juste retenu le souffle. Ah, come on. C'est ça, le film tient pas la route, puis les scènes qui sont supposées être épeurantes le sont pas assez pour que j'y pardonne tous ces défauts-là. Fait que j'ai trouvé mon film assez plate, c'était so-so. Mais Paz, qu'est-ce que t'en penses? Je l'ai pas vu. Paz l'a pas vu. Tu sais bien. Garde. Paz elle l'a pas vu celui-là. On va y pardonner. Elle en a vu d'autres. Hey, Paz en a vu d'autres. Mais bon, on a une autre fille qui l'a vu, par exemple, Audrey. Et je sais qu'elle. Ouais. Elle en a dit. Non, pour vrai, j'ai écouté le film et je me suis dit, selon moi, c'est pas un film que ça vaut la peine de revoir ni comme de mentionner. T'sais, c'est pas notable comme film. Puis il y a quelque chose qui m'énerve en horreur, c'est quand les scénaristes nous prennent pour des caves. C'est pas parce que c'est de l'horreur, puis on prend pas ça au sérieux, c'est pas réel, que le récit doit être complètement décousu, puis pas avoir d'allure. C'est comme, je suis loin d'avoir étudié en médecine, mais même moi, j'étais capable de dire que ça avait aucun sens, tout ce qui avait rapport à la médecine et au domaine médical le film. Comme sauter dans un bac de formol puis en ressortir bien correct, tout le temps toucher au cadavre puis au sang puis tout, pas de gants. C'est comme si quelqu'un avait une maladie transmissible par les fluides corporels, à la fin du film, tout le monde l'avait, c'est sûr. Fait que, quand je suis pas capable de prendre un film au sérieux, j'ai bien de la misère à embarquer dedans, bien de la misère à aimer ça. Fait que c'est le cas pour ce film-là. Donc... Écoute, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Olivier, tu m'as dit que tu l'as déjà vu. Je ne sais pas si tu t'en souviens assez pour nous dire ton avis là-dessus. Unrest? Ouais. Oui. Mais à la quantité de films que je vois, par semaine, c'est ça. Ça n'a pas été... Écoute, je me souviens de la poche. Je me souviens des pieds qui sortent. Ouais, c'est ça. C'est un film qui m'a marqué. C'est qui a recommandé ce film-là? Danny Champagne. Danny Champagne. Danny Champagne. Qui m'a rajouté sur Facebook ou je sais pas trop quoi. Il y a du monde qui me rajoute des fois puis je sais pas pourquoi. J'ai vu ce film-là une fois. Comme moi, j'ai rajouté mes mécanibales, puis on pourrait dire, ben, voyons donc, tu sais quoi, je juge pas. on a tous nos petits films d'Halloween, comme cette année, au lieu de rajouter Scarecrows, je me suis fait taper ses doigts, genre, j'aurais dit, ben finalement, j'aurais peut-être plus rajouté Salem's Lot. Cette section-là, comme Audrey a mentionné, c'est comment ça s'appelait, les After Dark, où il y a eu The Grave Dancers de Mike Mendez. Où il y en a eu plusieurs, où c'était comme pour rendre des petits films indépendants populaires. Unrest, moi, je m'en rappelle à peine. Ça m'a pas marqué du tout. Mais Grave Dancers, oui, c'est le seul de la gang, parce que c'était comme un gros... c'était quand même un gros festival. Ça a pogné pareil. C'est ça, j'allais vous demander... Il y en a quand même dans la gang qui valent la peine. Oui. Ouais, Grave Dancer, c'est bon. Moi aussi, j'ai c'est trop. Oui, c'est pas pire. Écoute, ils font quand même maquillage ou des petites scènes. C'est pas le meilleur film de Mike Mendez, on s'entend. Là. Grave Dancer, exemple, pour moi, c'est The Convent. The Convent, c'est comme une bande dessinée pour moi. Des démons avec du fluo partout que je tripe bien raide. Mais ça n'a pas été une série en tant que telle. Je ne parle pas de Mike Mendez, mais comme Unrest, The Grave Dancers, ça ne m'a pas marqué. C'est tombé en même temps que The Masters of Horrors. Même temps. Mais c'est drôle, il y a eu aussi en même temps une série de films distribuée par Fangoria. Puis t'avais Roadkill, t'avais Dark House, mais c'était vraiment tous des mauvais films, un après l'autre. Puis là, je me suis rendu compte que l'autre série After Dark, c'était pas si mal que ça, finalement. Mais The Unrest, je l'ai pas écouté, parce que, premièrement, la raison principale, j'ai pas eu le temps, sinon j'aurais pris la peine de l'écouter. Mais c'est que j'ai vu ensuite Danny Champagne, venait écrire un commentaire, parce qu'il a décidé de revoir son fameux Unrest, et qu'il avait quasiment de regretter d'avoir conseillé Unrest. Fait que j'étais comme... ta scène de la fille qui se cache dans le produit. Formol. Le formol, c'est comme... J'ai pas forcément de voir un film d'une heure et demie mauvais pour une scène d'une fille dans le formol. Non, c'est ça. Imagine ce qu'il dit que la fille est cute. Imagine qu'elle était pas attirée par les filles. La fille est cute, tu sais. Il y a plein de slashers que la fille est cute, puis tu peux avoir un film sur une heure et demie, là. Donc, je vais prendre la peine de relire son commentaire à Danny Champagne parce que, bon, regarde, il a pris la peine de se défendre et on attaque son film. Alors, allons-y. Il nous écrit sur les 31 jours. Je l'ai réécouté récemment après l'avoir choisi pour les 31 jours d'horreur. Le film m'avait vraiment plu à sa sortie, mais j'ignorais s'il tenait toujours la route. Honnêtement, l'intro est à chier. La dernière scène est trop. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un petit film agréable. Ben, coudon. Chacun ses goûts. Eh oui. C'est correct, puis c'est très drôle parce que Marc-Antoine, il me dit « Serais-tu surpris, Sébastien, si je te disais que Danny travaille en vente? » Puis maintenant. Ouais. Alors, c'est un très bon vendeur. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur Unrest? Je pense qu'on n'a pas besoin de passer plus de temps là-dessus. Non. Et on va y aller avec plutôt de la morte. De la mort. De la morte. Et, de la morte de la morte. On a Steven, Olivier et moi qui. Excusez. Reparler. Bon, mais raconte l'histoire. Je te laisse la parole. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? De la morte de la morte. Cemetery Man. Est-ce qu'il faut que je... Oui, faut-tu qu'on raconte l'histoire ou... Ouais, tu peux la résumer. C'est l'histoire d'un grave digger qui va tomber à un moment donné en amour avec une mystérieuse femme très bien proportionnée. Ah oui. En évidence dans le film, c'est assez clair. Et elle va mourir, sauf que dans son cimetière, les morts reviennent à la vie. Yes. C'est assez basic, on s'entend, là, comme histoire. Mais pas comme histoire, mais comme... comment je peux dire? Les morts reviennent à la cimetière. C'est très simple. Même réalisation... de ce film-là de Michaelis Oavi. C'est sublime. C'est un film qui doit être dans n'importe quelle collection de n'importe quel fanatique des films d'horreur ou collectionneur ou quoi que ce soit. C'est sublime. C'est beau. C'est bien réalisé. C'est avant-gardiste. Avant son temps, 1994 ou 93. C'était filmé en 93 sur 194. Ça sort du lot. On pense à Brain Dead, on va dire Dead Alive. Ça sort du... C'est très beau, puis je te vois bouger, Steven, vas-y, shoot. L'as-tu regardé? Oh oui, mais je bougeais pas, c'est parce que je recherchais le film pour les acteurs sur IMDb. Okay. Il y a l'ancien meilleur ami de Madonna, comment il s'appelait? Ils ont fait un film ensemble. Rupert Everett. Ouais, Rupert Everett. Ouais, c'est ça. À part lui, beaucoup d'acteurs italiens, c'est un bonbon, c'est un dessert, c'est un glaçage sucré, ce film-là, que tu te beurres sa gueule, puis que tu lèches, puis que t'arrêtes pas. C'est super bien fait, bien réalisé, acting. Ben, t'as l'acting, ben, italien, là, c'est un film écouté, je vous dirais. L'acting italien avec la traduction anglaise qui est commune. Pour moi, je suis habitué d'écouter des films ou pour vous autres aussi qui écoutez des films italiens où la traduction anglaise est tellement mal faite. Vraiment. Par-dessus la voix. Ça devient un charme. Ça devient un petit charme. Ben, ça moi, ajoute à le côté comédie, on dirait que ça y ajoute un petit peu de légèreté. Puis... Tu sais, là, on dirait que t'es comme capable de tellement pas tout à fait t'immerser, juste assez pour rester un bon spectateur, puis il apprécie tout ça. Là. Je sais pas, il y a un petit feeling. Que c'est vrai. Je trouve que c'est pas le cas ici, avec Cemetery Man. Je suis d'accord avec tous les Argento, Lucio Fulci, mais j'ai même pas eu l'impression que c'était une traduction. J'avais juste vraiment la sensation que les acteurs parlaient juste réellement en anglais, puis ça n'a pas été redoublé. Dans Reaper, je trouvais qu'il jouait terriblement bien son rôle. Puis à aucun moment, j'ai été dérangé par les dialogues. C'est pas une chose qui me dérange normalement dans les films italiens comme toi, Oli, mais j'ai trouvé qu'ici, c'est pas. Je trouvais que c'était pas présent comme ça l'est avec les autres films italiens habituellement. Non, mais ça me dérange pas, au contraire. Non, moi, écouter des films italiens avec une traduction anglaise, je suis habitué. Mm-hmm. J'aime ça. Je veux dire, quand The Editor est sorti, où c'est flagrant, où il y avait Paz, en Paz, écoute, tu as eu un rôle... My God, tu étais la star de The Editor. Brillant. Un rôle brillant. Flip your hair. Tu sais, c'est... OK, sérieusement, tous ceux qui écoutent le podcast, juste audio, là, allez écouter ça live sur YouTube, il faut que vous voyez Sylvain. Mais pour vrai, moi, la traduction italienne, la traduction anglaise, par-dessus un film italien, j'adore ça, j'en mange. Puis, dans Cemetery Man, où il y a... C'est pas un spoiler, je vais vous le dire, vous n'allez pas vous en souvenir, où il y a quelqu'un qui dit « He's only eating me! » C'est ça. Oui! C'est beau, je suis habitué, j'aime ça, j'en mange. J'ai étudié, j'ai, dans le sens, étudié vraiment les traducteurs de films italiens. Des actrices, acteurs qui ont eu des simili carrières qui n'ont pas marché du tout, qui ont juste fait des traductions de films italiens en anglais. Ça apporte la magie. Oui, je t'écoute, Audrey. Faut dire doublage parce que c'est pas la même chose. De? Doublage, pas traduction. Oui, doublage, m'excuse. Non, mais parce que je suis traductrice puis tout le monde me dit genre. Ah, OK. Je suis doubleuse ou interprète. Oui, c'est vrai. Je m'excuse. Mais ça apporte la richesse à un film qu'on va regarder, qui est italien, des années 60, 70, 80, où tu as ce petit parmesan épice dessus. j'adore ça. J'adore ça. Ça fait un petit sprinkle sur le film. Ouais, des petits sprinkles, des pistes sur le film italien, whatever. Mais Cemetery Man, n'importe quel fan d'horreur qui existe ou quoi que ce soit, c'est un must. Je sais pas pour vous autres, ici, présents, c'est un must. C'est un must à voir. Steven, tu sais un peu ma relation avec le film d'horreur italien. Ah, ouais. Je découvre le film d'horreur italien à travers les suggestions des gens. Ça n'a jamais été un style de film d'horreur. Ceux qui écoutent le podcast le savent. C'est pas un style d'horreur vers lequel je vais plonger d'emblée. Ça n'a pas été celui que j'ai découvert par moi-même. Et je savais pas où ce que je me lançais avec Cemetery Man. Jusqu'à ce que un moment donné, je fasse, voyons donc, mais c'est une comédie. C'est une comédie. Et quand j'ai comme compris le niveau d'humour, ça fait peut-être le tiers du film qui était commencé, j'avais le goût de le recommencer, tu sais, pour comme faire. Ok, là, j'ai compris ce que le film fait. Maintenant, je veux me replonger dedans. Finalement, je l'ai pas fait par manque de temps. Mais c'est vraiment un film maintenant que je veux réécouter et savourer à sa juste valeur parce que. Vraiment, il y a des moments qui sont vraiment délicieux, là, tu le dis. Ils sont les eating me. Mais. Écoute, son acolyte, là, j'ai oublié son nom. Là. Ouais, celui qui vit dans le sous-sol. Là. Oui, je l'appelle Jake Dicker, le bald. Ouais, un genre de Igor, oui. Là, c'est ça. Là. Oh, oui. Il est tellement drôle. Ben, il est tellement naïf, puis on voudrait être son ami, tu sais, puis faire un câlin, parce que des fois, il comprend pas tout. Il est attachant. Oui, c'est ça. Puis avec la tête, en tout cas, puis tout ça, là, c'est super cute, puis... sa façon de... Il vomit dans la face à la fille au souper, oui, là, parce qu'il est trop stressé. Oui. Ah, c'est tellement drôle. L'autre qui se fait enterrer avec sa moto, puis Manny, oui. Tout ce qu'il entend, c'est un... Là, t'es... Voyons donc, vas-tu sortir? Ben oui, il sort avec sa moto. C'est un Return of the Living Dead italien. Oui, c'est vrai que ça a un genre de feeling comme ça. Oui. Exactement. T'as tout à fait raison. Puis Rupert Everett, écoute, Il était cœur. Hein. Il est fait pour ce rôle-là. Ouais. Des fois, il me faisait penser, dans sa façon d'être, à un genre de H. Je suis un peu à côté de la traque. Non. Ouais, tu sais, son attitude un peu macho, mais pas. Puis, tu sais, il y avait de quoi, là. Je peux pas trouver c'est quoi qui me faisait penser à H, mais je l'écoutais, puis. Il y avait ça, là, un peu au-dessus de son affaire, puis fait comme, non, je maîtrise la situation, là. Moi je connais un peu tout ce qui se passe. Peut-être sa manière de tirer les zombies avec des poses badass. Peut-être, je sais pas, mais il y avait de quoi de H qui me rappelait là-dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme suggestion, Olivier, c'était très très cool. Je suis vraiment content d'avoir découvert celui-là. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose à dire sur... Ouais, je vais dire ce que j'en pense un oui. peu. Ben moi, c'était sur ma shameless, parce que Soavi, je suis vraiment pas bon pour prononcer les noms. Michele Soavi. Soavi. Et un de mes réalisateurs italiens favoris, moi, je le mets du même calibre qu'un Dario Argento. Il ne mérite pas d'être dans l'ombre de Dario Argento. Et Stage Fright, qui est son premier film, est facilement dans mon top 10 de un des meilleurs slasher ever. C'est vraiment de la bombe. Puis même son The Church, malgré ses défauts, sa mise en scène, encore une fois, est formidable. Fait que Cemetery Man, je n'entendais tellement parler, mais difficile à trouver. Tu sais, l'édition d'Anchor Bay est discontinuée, mais j'ai trouvé quelqu'un qui voulait ma vente finalement. Fait que je suis très heureux. Et moi, honnêtement, les amis, j'y vais en fonction de les films que j'ai pas vus durant les 31 jours d'horreur. C'est ma découverte. Celui-là est mon coup de cœur. Je suis tombé en amour avec Cemetery Man. Soavi prend le film de zombie, puis il déconstruit, puis il nous fait quelque chose qu'on n'a pas vu vraiment ailleurs. Cemetery Man, c'est un film unique, c'est un film désespéré, drôle et tellement beau. Rupert, moi, j'ai accroché à lui dès les premières minutes dans son rôle tellement drôle et triste en même temps, parce que ce gars-là a tellement l'air d'être déconnecté. Ben oui. Son existence est vide. Elle est tellement vide que la seule chose qui va venir le réanimer, c'est une inconnue qui va être le coup de foudre. Et ça va... À partir de ce moment-là, le film va commencer à délirer, puis on va rentrer dans un genre de réalité surréaliste, puis vraiment, vraiment grotesque, au point que on remet en question que toutes les choses qui arrivent par la suite, si ça fait pas juste partie de l'imagination de Rupert, puis t'as plein de signes, je trouve, dans les 20 dernières minutes, que ça a juste l'air d'un gros rêve venu de sa tête pour s'évader justement de son existence. Il sort jamais de son cimetière avec ses morts. Il y a un petit village à côté, puis il va peut-être deux fois à peine. Puis Soavi a tellement une manière de représenter la mort et l'amour, puis les associer. Ils sont intimement liés. L'amour, et ces deux thèmes-là, ils les associent de manière tellement formidable. Souvent, tu vas avoir comme exemple, tu vas avoir les pétales rouges qui représentent l'amour, qu'à chaque fois, ça va tomber soit sur une tête de crâne sur le sol. Tu as tout le temps tous des petits trucs de même en arrière-plan que tu peux voir où il essaie de relier ces thèmes-là. Et c'est sans compter la relation que Rupert va entretenir par la suite avec sa déesse qui va revenir d'entre les morts, ou même son acolyte qui tombe amoureux d'une fille qui va continuer de sortir avec elle avec juste sa tête, qui est vraiment drôle. Comme dit Olivier, la mise en scène, c'est du bonbon, ce film-là. Ce gars-là, on dirait que... Je veux pas... je veux pas rabaisser l'Argento, mais on dirait que ce gars-là a pris les bases d'Argento puis essaie de les pousser à l'extrême. Il y a des plans complètement hallucinants. À un moment donné, tu as un plan de caméra. La caméra va passer dans la craque du plancher pour aller voir le regard d'Igor qui écoute. Ben, je dis Igor, mais d'Igor qui écoute la conversation. Mais tu sais, il n'y a pas de CGI dans ce temps-là. C'est tous des effets pratiques avec des petits trucages en simple. Tu sais, comme dans Stage Fright, il faisait la même chose avec une clé qui tombait dans une craque. Oui. Mais dans le fond, la clé est gigantesque. C'est pour donner une sensation, tu sais. Oui. Fait que c'est vraiment écœurant. Fait que c'est la même chose avec Cemetery Man. Puis... Ce que j'ai aimé, c'est que il te pitche tout de suite dans le film, tu sais. Le film commence, ça fait 5 minutes. Puis Rupert vient déjà tuer son premier zombie, appelons-le de même, revenant, peu importe. Mais tu sais, pas de niaisage, pas d'explication, on tourne pas autour du pot. Le film, il sait où ce qui s'en va, puis il part tout de suite. Oui, je suis parfaitement d'accord. Ben, en fait, on tombe tout de suite dans la routine de Rupert. En fait, le film ne passe jamais son temps avec des explications. Puis on ne va jamais rien savoir de qu'est-ce qui cause le retour des morts. Puis, en fait, on s'en fout complètement parce que tout ce qui nous intéresse, c'est de voir l'évolution du personnage de Rupert. Puis c'est ça qu'on aime voir, puis aussi que ça s'en va. Et moi, le dernier plan du film, puis le générique en bas, j'étais comme « What? J'ai besoin de revoir le film parce que... » J'ai l'impression que Savoli nous donne plein d'indices pour résoudre toute cette espèce de gros puzzle déconstruit. Et moi, ça m'a fasciné du début jusqu'à la fin. Honnêtement, je vous le recommande fortement comme Olivier. C'est un must. C'est un mélange savoureux et bizarre de comédie, de gore et de sexe. De romantisme, peut-être un peu. De romantisme. Ouais, c'est sexe, gore. Mais tout ça dans une légèreté, tout ça dans un... pas de prix au sérieux, tout ça léger, amusant. C'est jamais choquant, c'est tout le temps sur un ton vraiment fun, alors que souvent des scènes qui pourraient porter à choquer des personnes, mais c'est tout le temps fait dans, je veux pas dire ça comme ça, mais dans la bonne humeur. Il y a vraiment une bonne humeur qui se dégage de ce film-là, puis c'est vraiment fascinant. Et il y a une des meilleures scènes de faucheuse que j'ai vu dans un film. L'apparition de la faucheuse dans ce film-là était écœurante. Très beau. Oui, vraiment. C'est vraiment. Très beau. Quand elle arrive, on dirait du Del Toro. Vraiment, exact, t'as raison. Très Del Toro. On verrait ça dans un Del Toro puis on crierait au génie, là, tu sais, là. Fait que. c'est ça. Moi, je vous dirais pour les fans de Sway, qui ont vu De la Morte, qui ont vu Bloody Bird, Sage Fright, qui ont vu la Chiesa, The Sect. Regardez The Sect. La secte. Je vais le voir, il est difficile à trouver. Très difficile à trouver. Je vais te le prêter, Steven. Ah, ok, ben cool. c'est avec Kelly Curtis, la sœur de Jamie Lee Curtis. Donc, oui, elle avait une sœur. Elle lui ressemble beaucoup. Elle a pas eu la même carrière que Jamie Lee Curtis. Fait oui, Kelly Curtis qui joue dans The Sect, qui a comme été une des. Suite, si on veut, The Church qui a été appelée Demons 3, la secte qui a été la suite, un peu, qui est hyper bien réalisée. C'est la réalisation des années 80, autant italienne qu'américaine, qui était avant-gardiste. Ça ressemble à rien, là. C'est extrêmement innovateur. J'aurais dû le recommander, mais je pouvais pas parce que c'était pas un film. On m'a dit, trouve des films qui sont faciles à trouver. Ouais. Cela, c'est de valeur. C'est vraiment de valeur parce que c'est de valeur dans le sens que c'est pas présenté à ce point-là au public parce que c'est un bon film. C'est bien réalisé. Il y a du budget. C'est de valeur. OK, je trouve ça plate. Mais on voit le style de Soavi, de Stage Fright, qui est, pour moi, le meilleur slasher italien qui a jamais existé. Pas le giallo, pas le giallo, le slasher. Okay, giallo, slasher. Le meilleur slasher italien pour moi, mon préféré à mes yeux, c'est Stage Fright. Puis on voit tout le cheminement de Michele Soavi et de Seth, je vous le dis, vous avez vu ce film-là un million de fois au club vidéo. Je vais vous décrire la pochette. OK? Vous allez le reconnaître. C'est une femme qui est habillée en blanc avec un background de feu pour montrer l'envers, qui tient un serpent dans ses bras. Comme ça. Je regarde la pochette présentement. Moi, personnellement, ça me dit rien, malheureusement. Mais Sébastien... il l'avait pas mon club vidéo, écoute. Moi, il l'avait. Ah, c'est ça. Je l'ai pas loué. Écoute, j'ai vu ce film-là il y a peut-être 7 ans de ça. J'ai 34 ans, j'écoute des films depuis des années, puis ce film-là, chaque fois que je le voyais... Oh non, oh. Tu sais, quand t'es jeune, tu regardes la pochette, tu retournes, tu lis pas. Ça a l'air plat. T'as remis sa pote. Puis c'est hallucinant ce film-là. C'est hallucinant comment c'est bien réalisé, comment les scènes qui doivent être gore sont gore. Bougez pas. Faut que je vous montre, ça sera pas long. Moi, j'ai enlevé mon costume parce que je sue comme une fournaise. C'est inutile de garder ça. Ah! Steven! Bon, moi, j'ai enlevé la moustache, on m'a fait saigner. Mais qu'est-ce que tu... Hey, sérieux? J'ai encore mon chapeau. Paz. Moi et Paz, on se donne tout ou rien. Yes! On l'attendait, yes! Je me suis dit, non, regarde, là, t'as dit ça, Audrey, puis je me suis dit, hey, come on, là, Sylvain. Paz, subis... Il y en a un que vous avez manqué qui était encore plus on a eu un moment. Ah, Colin. J'ai manqué ça. Tu vas l'écouter au montage, là. Tu vas faire le montage. Oui, je vais sûrement tout écouter au montage. Non, je vais écouter l'épisode par là. J'ai trouvé. T'as trouvé? Ouais, c'est ce que j'ai vu sur... Ouais, j'ai vu la pochette, mais c'est trop difficile à trouver. J'ai jamais vu ça. Vous devez voir ce film-là. Vraiment, là. C'est vraiment, vraiment bon. Excellent. Fait que même pas en VHS, personne ne l'a jamais vu. Non, écoute, non. Moi, j'ai jamais vu ça, mais... Ben, écoute, là, je vois... je regarde vite sur eBay. Et j'en trouve quelques copies. Mais il n'y a rien qui a l'air d'être des copies officielles, je te disais, par contre. Non. J'en vois une DVD. J'ai dit la prêter de loin. Il y a qui? Vous avez tous vu Burial Ground? Moi, je l'ai vu il y a longtemps. Ah, écoute, je vois Devil's Daughter. Ça serait une autre traduction. Oui. Ça a de l'allure, ça aurait de l'allure, oui. Faudrait peut-être fouiller avec ce nom-là, j'ai l'impression que c'est peut-être plus simple. Ouais, et c'est. Burial Ground, je suis un des seuls qui l'écoute une fois ou deux mois, depuis 20 ans. Burial Ground. Non. Le manoir de la terreur. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a mentionné dans le chat. Il disait l'auberge de la terreur. Manoir de la terreur. Mais t'as raison. Moi, je vois le manoir. Parce que, non, mais t'as raison, Sébastien. T'as l'auberge de la terreur. Ah, OK, c'est pas le même. Mais t'as raison, c'est 1988-87 de Lamberto Bava. OK, ouais. Qui est cheesy, mais c'est le fun. C'est un film super fun. Mais Burial Ground. Peter Bark, l'enfant qui mange le sein de sa mère à un moment donné, ou. Tu sais, qui. Vraiment, il y a vraiment une scène où il part avec son épouse. Oh, à mort, qui part avec, non? Non. Mais comme c'est pas des punchs, là, arrête. Ah non, ça suffit, arrête, là, t'en dis trop. Mais faut que tu vois ce film-là. Mais cette actrice-là qui se fait bouffer la boule joue dans le film aussi. Ok. Là, je cherchais, c'était quoi le lien? Je savais, c'est pas le même réalisateur. Attends, une estime. Attends, Maria. Mariangela Giordano. J'ai le nom d'en face. Là. Ok, Calvaire, oui. Et d'aplomb. C'est en plein ça. C'est vraiment ça. Bref, regardez ça. Faites-vous plaisir, c'est très bon ce film-là avec la has-been de Jim Lee Curtis qui a pas pogné, mais je vous le dis, à voir, la 7. Ouais, ou comme on a pu voir, Devil's Daughter en anglais pour une oui. copie plus simple à trouver. Parce que la 7, j'ai rien trouvé. Mais avec Devil's Daughter sur eBay, il y en avait quelques-unes. Ça tournait autour de 25$. Donc, en tout cas, pour ceux qui veulent vraiment ajouter ça à leur collection, ça peut être intéressant. Hey, les amis, on va prendre une mini-pause. Je voyais là, une suggestion de Guillaume Couture qui serait parfaite avec la thématique de la mortée, de la mort. Et, oui. Et c'est Tarantula Ghoul. And her grave diggers qui chante A Graveyard Rock. J'ai même pas écouté, je trouve trop que ça fit. Fait que merci Guillaume pour la suggestion. On se retrouve après pour continuer à jaser de ces films de la dernière semaine des 31 jours d'horreur. À tantôt! Tired of living, want to die? Well, here's a real good reason why. Graveyard Rock. It all begins about 12 o'clock when the graves all open and we start to rock. Graveyard rock. Graveyard rock. In the graveyard. Graveyard rock. Everybody needs a graveyard rock. Every night is just like Halloween as you rock and roll this graveyard scene. Graveyard rock. Graveyard rock. In the graveyard. Graveyard rock. Everybody thinks a graveyard rock. Never had such fun since the day I died when they pumped me full of formaldehyde. Graveyard rock. Graveyard rock. In the graveyard. Graveyard rock. Everybody digs a graveyard rock. The party's over, boys. So close those coffin lids. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « Gardez ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. On est de retour. Un Olivier en moins, mais quand même... Pour continuer à parler de ces films des 31 jours d'horreur. Et On continue avec la suggestion de Vicky, encore une fois, qui n'est pas là pour défendre son film, et je pense qu'elle n'est même pas là sur le chat pour dire que je l'écoute pas, donc écoute, Vicky, my bad, mais Thriller Killer, je sais que Sylvain Paz, slash Paz, l'a vu, et on l'a pas encore entendu beaucoup, alors Paz, Sylvain, peu importe à qui je parle, vas-y. Non, je vais te parler en Sylvain parce okay. que là, parler en page, ça ne m'en allait pas. j'ai pas mon texte. Okay. Fait que j'ai vu Driller Killer. Ça raconte l'histoire, en fait, d'un type qui est interprété par le réalisateur du film, qui est Abel Ferrara, qui a réalisé le meilleur film le meilleur clip de Mylène Farmer. Allez voir ça, c'est California, c'est super beau. C'est bien meilleur que Driller Killer. C'est raconte l'histoire de ce gars-là, donc, qui se prend un peu pour Robert De Niro dans Taxi Driver. Puis, à un moment donné, c'est un gars qui vit beaucoup de pression, puis il fait sa coche, puis il drille du monde. Honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle, le film. À un moment donné, je me suis rendu jusqu'à la scène où il essaie de driller un trou dans la porte, puis la fille, elle fait là, non, pas là, non, pas là, plus haut, non, pas là. Mais j'ai arrêté le film, j'étais plus capable. Je me suis rendu jusque-là. C'est tout ce que j'ai vu. Écoute, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Oh, un courageux. Et je l'ai déjà oublié. Non. Écoute, Sylvain, cette scène-là, j'étais comme, mais pourquoi vous montrez ça? C'est juste je sais pas si au moins ça avait été foreshadowing, tu sais, ouais, c'est ça, ben, tu sais, qu'il fasse comme, ah, puis ta gueule, m'a le faire là, mon trou, puis tu sais, il y a personne. Mais non, puis, hey, tu sens que dans le film, là, il fait du remplissage dans son film, là, le nombre de scènes de, on voit un band jouer de la musique, mais tu te dis tout le temps, ah, ok, ça va amener à quoi? Puis ça amène rarement à quelque chose. Il y a une scène de lesbienne dans une douche où ce que j'étais comme, voyons donc, j'ai fait revenir la scène pour faire comme, j'ai-tu pas compris le début, tu sais, la scène qui amenait à ça? Et la scène qui suivait ça, j'étais juste comme, oh, on a juste vu deux filles se manger tâtons dans la douche. Tu sais, c'est juste ça. C'était comme gratis en plein milieu du film. Comme il y avait les cheveux bouillés, j'étais même pas sûr de reconnaître les actrices. J'étais même pas capable de... Je pense que c'est elle puis elle. Mais c'était pas bon. C'était vraiment pas beau mais... non plus. Là. Non, ben... Mais c'est pas du So Bad It's Good. Je sais pas, ben... Vicky, elle appelait ça du... que ça faisait partie des vidéos nasties. Tu sais, un peu Grindhouse, tout ça. Je sais pas jusqu'à quel point il faut que ce soit du So Bad It's Good. Je pense que oui, t'as pas le choix, mais... Ben, c'est parce que moi, j'aime pas ce So Bad It's Good-là. C'est parce que dans l'expression So Bad It's Good, c'est parce que c'est bad puis ça devient good, alors que Driller Killer, il devient jamais bon. Non. Il y a peut-être deux, trois moments dans le film que j'ai comme fait, ok, cool, ouais, c'était correct. Je dis pas que c'était 100% mauvais, là. Il y a eu quelques bonnes idées, mais il y avait tellement des trucs qui me tapaient ses nerfs. Puis c'est ça, moi c'est ce genre de So Bad It's Good-là, où est-ce que c'est du monde crotté, du monde qui ont pas de vie, tu sais, les filles qui ont de l'air toutes paumées, qui sont juste assis dans deux divans, puis que le gars il pète sa coche, puis tu fais comme qu'est-ce qu'ils font avec lui? C'est sûr, il y a certains qui se font battre trois fois par semaine par ce gars-là, toutes les fois qu'il est sous. Des personnages qui sont pas attachants, des personnages qui sont du monde merdique dans la vie, tu sais. À un moment donné, t'es comme pas capable de faire la distanciation, hein. C'est quoi le propos du film, puis. Qui joue un... Plutôt, t'es pas capable de faire la distanciation entre qui est un acteur et qui est juste là. Des fois, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un dans le décor qui a pas d'affaire là, mais que, mon Dieu, on est d'une place paumée, fait qu'on va regarder. T'sais, j'aime pas ça, ce style de film-là. Ça m'intéresse pas, ça vient pas me chercher, ça réveille rien dans moi, mais... Il y a Crazy Man 666 qui dit Pieces est un chef-d'œuvre comparé. Ben, Pieces se veut divertissant. Puis on dirait que Driller Killer essaye d'avoir un propos sur un gars qui en a contre la société. Mais je suis comme, man, tu peux pas en avoir contre la société. Là. T'es une loque humaine. Là. La société est pas contre toi. Là. tu fous rien de ta vie, là, tu sais, t'es pas un gars contre qui tout a mal été, non, non, regarde, là, regarde-toi aller, puis tu sais, je veux dire, je m'attache pas à ce gars-là, je suis pas en train de me dire comme, ouais, je vois que c'est un produit de la société d'aujourd'hui, mais non, c'est un trou de cul, puis c'est tout, c'est ça, il y avait absolument rien qui venait me chercher, mais... C'est ça, j'ai tellement pas grand-chose à dire. Je sais que Vicky va sûrement vouloir tout défendre ça, ou en tout cas, pas défendre, mais au moins donner son opinion éventuellement. Je serais curieux. Peut-être qu'elle, c'est son style, puis c'est pour ça qu'elle en a entendu parler, mais elle, c'est quelque chose qu'elle avait déjà entendu à parler avant. Alors que moi, c'est un genre de liste-là, de films, de... C'est ça, de films crasses, avec du monde crasse, qui joue des situations crasses, ça m'intéresse pas. Mais tous les films qui font partie des vidéos nasties sont pas comme ça, là. Il y a des films, qui ont plus de budget, il y a des films qui sont mieux faits, c'est pas... Les vidéos nasties, c'est une liste de films qui a été en Angleterre, qui a été interdite, ouais. Je pense. Oui. Il faudrait que je me réinforme, là. Mais c'est vraiment plus par rapport au contenu que par rapport à l'esthétique. Non, t'as raison. Excuse-moi, je me suis vraiment mal exprimé là-dessus. Mais oui, t'as raison. Là, c'est pas nécessairement un style de film. Je sais pas quoi mettre comme titre là-dessus, à part peut-être du Grindhouse ou quoi que ce soit. Là. Comment tu qualifies ça? C'est crasseux, c'est ça. C'est du crasse dans de la crasse qui tourné par du monde crasse. Je sais pas. C'est... Wow. Ça vient aucunement me chercher. C'est ça. J'avais vraiment envie que le héros prenne une douche, genre tout le long. Vraiment? Regardais. Tu regardes le film, tu fais comme, mais ça devait schlinguer dans ce plateau-là. Là. Le monde n'est pas propre. Alors que tu peux penser, mettons, à des films comme les premiers films de John Waters, qui étaient vraiment crasses aussi, mais qui étaient vraiment divertissants. Il y avait de l'humour, il y avait des choses qui se passaient, il y avait des personnages complètement excentriques. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais mal fait. Il y a un personnage excentrique qui apparaît un moment donné, qui est complètement, complètement fou. Mais il arrive pas à apporter assez de couleur là-dedans pour qu'on finisse par le trouver intéressant. J'ai trouvé, en tout cas. Pour rehausser le film. Là, ça, c'était trop peu trop tard quand il arrivait. Puis sur ça, je pense que... je n'ai pas autre chose à dire là-dessus, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire sur le prochain, parce qu'on l'a tous vu! Et c'est le remake de That Town de Dread Sundown. Oh, Audrey, elle nous fait une petite danse des mains, fait que Audrey, je laisse la parole pour y aller. Non, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on parlait avec Steven et Jean-François du mérite du remake versus de l'original. Fait que je pense qu'on pourrait avoir une discussion sur ça parce que c'est intéressant. Moi, cette semaine, j'ai écouté l'original parce que c'est ça que j'avais chez nous en Blu-ray. Puis, ben, est-ce que tu me permets de m'exprimer sur ça à la place du remake? Ben oui. C'est correct? OK. Ben, je suis plus de l'avis de Steven que Jean-François. Moi, je trouve qu'il est assez moyen, l'original, parce que c'est basé sur une histoire vécue, genre le Phantom Killer à Texarkana, ça l'a vraiment c'est quelqu'un qui a vraiment existé, mais ils l'ont jamais attrapé non plus. Puis je pense que s'il s'en était tenu seulement à faire un film sur les faits, ça aurait été plus épeurant que leur traitement de l'histoire qu'ils ont fait, avec des... Des fois, il y a un narrateur, puis c'est sérieux, puis des fois, il y a des moments... cocasse à deux scènes, genre comme quand les policiers se déguisent en femmes, ça casse un peu le ton du film. Il y a des choses qu'ils ont inventées, comme quand ils tuent une fille avec, c'est quoi, son tuba ou quelque chose de même, ça trompette. Trombone. Ben, croyez-le ou non, c'est pas ça qui est arrivé dans la vraie vie. Ah ouais? Oh non! C'est le kill que tout le monde se rappelle. C'est ça, tout le monde se rappelle de ça, puis je pense que c'est pour vrai, pour s'inspirer d'une histoire vraie, mais non, la fille est jamais morte comme ça en vrai. Fait que je pense, puis c'est ce qui est arrivé pour vrai, ils l'ont jamais attrapé, c'est super sordide, fait que je pense qu'il aurait dû s'en tenir à ça, qu'à essayer de mettre de l'humour, parce qu'il n'y avait pas lieu d'en avoir nécessairement. Et, ouais, puis, ah, ça n'a pas rapport, mais je sais pas s'il y en a de vous qui écoutent Scream, mais ils ont fait un spécial d'Halloween, la série Scream, puis c'est un clin d'œil à ça. Parce qu'ils s'en vont dans une maison où est-ce qu'il y a une fille qui a supposément commis des meurtres de toute sa famille. Puis là, il montre, elle a fait le meurtre avec des ciseaux de jardinage, puis avec un masque. Là, ils sont comme, tiens, on a conservé le masque dans le musée, puis c'est le masque du Phantom Killer, genre, clairement. Fait que c'est drôle, okay. Ils l'ont pas dit, mais c'est un clin d'œil à ça. Fait que je sais pas si dans nos auditeurs, il y en a d'autres qui ont remarqué. Puis c'est tout, c'est ça que j'ai à dire sur ce film. Je suis pas encore rendu à cet épisode-là de la deuxième saison de Scream. Ben non, c'est pas la deuxième saison, non? C'est après la deuxième saison, c'est un spécial d'Halloween qui est sorti, okay. Genre, il y a comme une semaine. Là. Ok, je pensais que ça faisait partie de la série. Ok, c'est carrément un épisode bonus, ça. Ouais, c'est ça. Ah, ok, cool. Tu verras. Cool, excellent. Steven, ben là, écoute, tu t'étais lancé sur le chat, là, entre dans notre chat privé d'Horreur Gamer, puis tu défends le... Je le défends avec un bazooka. Un bazooka géant parce que j'avais des grosses attentes lorsque l'original est sorti en Blu-ray de Scream Factory. J'étais beaucoup fasciné par ce film-là qui était introuvable. Et lorsque je l'ai écouté, ça a été une déception totale au point que j'ai pas envie de le revoir jamais, ce film-là. Je me suis royalement emmerdé. J'ai trouvé que l'utilisation du tueur était mal gérée. Et comme disait Audrey, l'humour dans ce film-là est venu me tuer, mais me tuer comme c'est pas possible. Moi, des situations à la série de Duke of Hazard, là, avec des policiers qui savent pas conduire, puis qui se ramassent dans la rivière, puis l'autre qui se déguise en fille, ça tue le ton du film. T'es pas capable d'installer une bonne atmosphère à cause de ça. Oui, autant on va chialer parfois pour les deux policiers dans Last House on the Left, dans l'original, autant que à côté de ça, c'est rien, c'est ça. C'est rien, puis la finale contient tellement de faux raccords que ça en est hallucinant, là, c'est très mal monté. En tout cas, moi, ça a été la grosse déception, puis je me suis dit, hey, le sujet m'intéressait tellement que j'aimerais ça voir un remake. Voilà une bonne occasion de faire un remake, puis un an plus tard, comme par hasard, ils sortent le remake de celui-là, fait que je suis comme, fuck, on m'a écouté, ça de l'air. Et c'est pas réellement un remake, c'est une pseudo suite remake, mais fait de manière plus intelligente que seulement faire un copier-coller d'un remake. Parce qu'en tant que tel, dans celui-là, le film original existe. C'est comme un genre de festival qui a toutes les années, c'est plutôt morbide. Ils réécoutent le film pour célébrer ça. Tout ça, c'est vrai. Ce festival-là, à toutes les années, à Texas Carnage, ils écoutent le film, puis. Ils font un festival là-dessus pour se remémorer ça. Fait que tu te rends compte finalement qu'on a quasiment le remake, ce qui se base sur la réalité est quasiment plus vrai que l'ancien. Je vous laisse avec cette phrase-là. Essayez de trouver ce que ça voulait dire. On se revoit demain. Puis t'as le fantôme killer qui va redébarquer, mais est-ce que c'est le fantôme killer original? Est-ce que c'est seulement un imitateur qui s'amuse à recréer les scènes du film? Mystère et bout de gomme. Ouais. Moi, ce slasher-là, je trouve que c'est un des meilleurs qu'on a eu. Ben non, je dis littéralement que c'est le meilleur slasher qu'on a eu dans les 10 dernières années. Et je trouvais que l'intro était la meilleure intro depuis Scream. Je trouve que l'intro, elle a beaucoup d'impact visuel. Juste le fait que ça commence dans un genre de drive-in avec un long plan séquence qu'on va suivre nos deux tourtereaux qui vont quitter le drive-in en voyant en plus les espèces de religieux qui sont contre ça, qui disent « Vous êtes en train de célébrer des personnes qui sont réellement mortes. » Tu sais, en un seul plan, le réalisateur nous donne plein d'informations. Puis je suis comme « Ok, oh my God, ils ont vraiment pris quelqu'un de compétent pour faire la mise en scène. » Puis tout ce qui se poursuit dans le bois, la poursuite, en tout cas, l'intro, pour moi, c'est du bonbon. Mais ce que j'aime vraiment aussi de ce film-là, c'est que c'est un slasher très compétent, avec de très bonnes idées. Moi, ce que j'aimais du film original qui m'intéressait, c'est le fait que ça se passe dans une petite ville isolée. Et là, la manière que le réalisateur l'utilise dans ce remake-là, on dirait, tu sais, le film se déroule en 2013 ou 2014, mais on dirait que la petite ville est déconnectée de l'évolution. On voit pas de cellulaire du film pratiquement. Tout le monde est habillé très rétro. C'est vraiment weird. On a l'impression que le film se déroule pas dans l'année qui est. Puis même quand la fille va faire des recherches sur le tueur en question, de nos jours, on est habitué, ils vont sur Google, puis tout d'un coup, ils trouvent toutes les informations mystères sur le tueur ou l'esprit qui est en train de faire de la merde partout. Là, ça va vraiment dans une bibliothèque, puis ça va fouiller dans les boîtes de dossiers, puis essayer de trouver toutes les informations. Tu sais, c'est vraiment old school, puis ça me plaît. J'aime vraiment ça. Puis, ils ont pris ce tueur, le fantôme qui est là-dedans, ils l'ont mis imposant. Dans l'original, il est un petit peu fade, froid. J'ai pas vraiment été je me suis pas vraiment senti menacé envers lui, tandis que dans celui-là, sa première apparition, dès qu'il parle, il est vraiment malsain, il est creepy, puis il est vraiment imposant. Puis la plupart des scènes de meurtre avec lui sont très rapides, c'est une, deux minutes, mais c'est un, deux minutes fucking intense. La scène de l'hôtel, là, pour moi, oui, c'est... Oui, vraiment. Ça te garde en haleine sur la minute que ça dure. J'adore son héroïne principale, qui est jouée par la fille qui jouait la blonde de Odd Thomas, qui joue deux rôles complètement opposés. Dans Odd Thomas, elle est fofolle, elle est fun, elle dégage une énergie. Là-dedans, elle joue vraiment un personnage plus traumatisé. Puis c'est ça que je trouve cool, parce qu'on a affaire à une fille qui a subi un traumatisme qui est relié à la mort de ses parents et le fantôme killer, ce qui crée une genre de sous-intrigue intéressante, mais qui malheureusement n'a pas été élaborée plus qu'il faut, pour la simple raison que 10 minutes de ça qui a été coupé au montage. J'espère un jour peut-être voir une version complète. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est un slasher intelligent, bien fait, puis un bon exemple de comment on devrait faire des fois des remakes pour améliorer des films qui, pour moi, sont imparfaits. C'est vraiment du bonbon, j'adore ce slasher. Sylvain, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Premièrement, je voudrais revenir sur le commentaire que Steven a fait sur, maintenant dans les films, là, ils vont sur Google et ils trouvent tout. Moi, ça m'avait fait capoter quand j'avais vu Paranormal Activity 4. Elle a vu un signe à un moment donné. Le signe, c'est genre un rond dans un triangle. Elle s'en va sur Google. Puis là, j'étais là, mais c'est quoi qu'elle a googlé? Un rond dans un triangle, puis elle a trouvé toutes les informations sur la sorcière, puis sur tout, tu sais. Puis là, voyons donc. Mais pas sur la sorcière, mais sur le démon, puis tout. Puis j'étais comme, voyons donc. Puis c'est ça, mais effectivement, c'est un film qui a beaucoup de qualités, mais c'est un film qui me fait pas autant triper que ceux qui l'aiment. Ça aussi, c'est une belle phrase à mettre. Elle est plus facile à comprendre, en tout cas. Mais j'ai un petit peu de difficulté. Autant je l'ai aimé, j'ai apprécié mon expérience, autant j'ai un petit peu de difficulté. Je trouve que ça fait moins, à mon avis à moi, là, je trouve que ça fait moins slasher et plus film de tueur en série comme on pouvait voir, là, comme à la télévision, les films de tueur en série, bref. Parce que l'intrigue se passe sur plusieurs mois, voire un an, tu sais. Il y a un meurtre qui se passe, après ça, on fait un bond dans le temps, on se retrouve trois mois plus tard, puis là, il y a d'autres choses qui vont se passer, puis tout ça. Ce qui fait que, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelques longueurs, il y a pas mal de scènes dont je me serais passé. Sinon, je suis pas capable de m'empêcher de penser à Scream 2 quand je regarde ce film-là. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses, puis je veux pas aller dans les spoilers, là, mais il y a vraiment beaucoup de choses au début, au milieu, puis à la fin, qui me rappelait Scream 2. Entre autres, le fait que le film existe, puis c'est basé, le film est basé sur quelque chose qui s'est passé. Tout ça. Mm-hmm. Sinon, j'ai pas de problème avec les acteurs. Je trouve que la réalisation est vraiment intéressante. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent quand même dans ce film-là, mais je suis pas capable de l'apprécier autant que tout le monde. Ceci étant dit, je suis d'accord encore une fois avec Steven sur le fait que quand on fait des remakes, là, c'est le fun d'essayer quelque chose. Puis même si je ne trippe pas autant sur ce film-là que je voudrais, je vais lui donner ça. Il a eu le culot de faire quelque chose avec son remake. Il s'est pas dit, les producteurs n'ont pas dit, OK, on va faire exactement la même chose. Non, ils ont trouvé une idée, ils ont trouvé quelque chose à dire, ils ont trouvé quelque chose à faire, qui fait de ce film-là, finalement, un film original, tu sais. Puis, tant qu'à faire des remakes, faisant des remakes comme ça, et je le répète, mais la préquelle à The Thing, c'était une excellente idée. c'était aussi jouer avec le concept du remake. Bref, j'ai trouvé ça pas plus. Je suis entre Steven et Sylvain. Je pense que j'ai eu plus de fun que Sylvain. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dans ce film-là. J'ai trouvé ça original, tout ça. Je le défends à fond. C'est juste la partie toute enquête, tout ça, qui m'a... Puis un peu le reveal de qui est ce tueur-là, je m'en foutais un peu. J'avais plus ou moins d'intérêt à savoir ce que c'était. Ça, pas que ça m'emmerdait, mais c'était la partie de trop. Mais en même temps, je pense que c'est pas une erreur du film. C'est un parti pris que le film a décidé d'avoir. Puis c'est juste que moi, ça m'a moins intéressé que tout ça. Ces moments forts de meurtre et tout ça. Là. Vas-y. Par contre, dans la partie enquête que je trouve plus intéressante que l'original. Oui, ça c'est sûr. C'est drôle, ils s'amusent à être les clichés. Comme à un moment donné, la fille, elle a vraiment des informations pertinentes par rapport au tueur. Elle décide d'y aller. Tous les policiers sont là. Puis t'as le shérif de la ville qui est comme, « Oh non, gars, c'est beau, là, on veut pas le savoir, c'est pas important, là, on sait déjà tout ce qu'il faut savoir. » Puis t'as les 30 autres policiers derrière, c'est comme, « Non, gars, vous avez quelque chose à nous dire, je considère que ça doit être important, on vous écoute, c'est important. » Tu sais, normalement, dans ce genre de film-là, souvent, on laisse pas place à la victime de donner des informations pertinentes. Là. C'est comme, « Va te coucher, là, t'es traumatisé, là, on revient plus tard. » Non, t'as raison, c'est vrai. Sur ça, je pense qu'on peut passer au prochain. Ouais. À ce moment-là, j'ai dérogé de la liste parce que j'écoutais mes films avec d'autres personnes, donc je suis allé dans le plus classique. Alors, je vais vous laisser parler de The Hunger, une suggestion de... Marc-Antoine. D'ailleurs, Town of Dreaded Sundown, c'était Danny Champagne qui l'avait suggéré. Donc, c'est correct, ouais. Danny, on pardonne ton unrest. Et Marc-Antoine nous avait suggéré The Hunger. Et qui veut commencer là-dessus? Paz. C'est un film sexy, vas-y Paz. Ouais, ok. Ben c'est drôle aussi parce que j'ai revu ce mois-ci la version originale de Rocky Horror Picture Show. Mm-hmm. Puis moi, je trouvais ça drôle de revoir Susan Sarandon se faire casser sa morale et se faire, débaucher. c'est drôle de voir. Bref. The Hunger, ça raconte l'histoire d'une très vieille vampire qui est interprétée par Catherine Deneuve, qui est absolument pas capable de parler en anglais. Je suis désolé, mais ça m'a dérangé tout le long du film. Donc, c'est une très vieille vampire. Elle a un copain qui est avec elle, qui est interprété par David Bowie. Ben son copain est vieillissant et puis là elle doit se trouver une nouvelle copine et puis elle rencontre Susan Sarandon qui est un docteur en je sais pas quoi. J'ai eu même la bizarre. Elle étudie les troubles du sommeil et le vieillissement. Ah oui, c'est vrai. Puis écoute, c'est un autre, je viens juste de le regarder là, je l'ai écouté comme quelques minutes avant le podcast. J'ai vraiment la misère à vous raconter. J'ai vraiment pas trippé autant que j'aurais voulu, encore une fois, mais ça, ça me fait vraiment de la peine parce que tout le monde m'en parle vraiment avec beaucoup de passion, puis j'aurais vraiment aimé ce film-là. Je trouve que la musique est un gros problème de ce film-là. Y a beaucoup de films dans ce genre-là qu'on a pu voir, des films les films qui mettent l'accent sur l'esthétique plutôt que sur l'intrigue, on en a vu plusieurs. On a vu Neon Demon récemment. On a vu, mm-hmm. Moi, ça m'a fait penser à, mettons, Kiss of the Dam, mm-hmm. ou même la série American Horror Story, la saison Hotel que je viens juste de voir. Ça m'a fait penser un peu à tout ça, mais je suis pas capable de... Je comprends ce que le réalisateur essaie de faire, il essaie de soigner l'esthétique, mais je trouve que c'est pas aussi réussi que dans d'autres choses qu'on a pu voir. Encore une fois, la musique, je trouve qu'elle était vraiment dérangeante. Comment les voix sonnent aussi, il essaie d'avoir des effets sonores qui sont vraiment plus dérangeants qu'agréables, finalement. Ouais, c'est ça, puis l'intrigue, je m'en foutais complètement, mais de toute façon, il n'y en a pas vraiment, c'est pas vraiment un film qu'on regarde en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Non, je conseillerais Kiss of the Dam, qui est un fichu bon film, qui est vraiment bien réalisé, puis qui est vraiment joli à regarder. Ouais. Tu voulais dire... C'est de la bombe, Kiss of the Dam. C'est vraiment très bon. Ben, Steven? Ben moi, c'était un autre sur ma chaîne liste. Fait que ça faisait encore le bonheur de Marc-Antoine. J'étais un gros fan de Tony Scott. Fait que j'étais curieux de voir son son seul ou un des rares films d'horreur, parce que je me souviens pas s'il en a fait d'autres. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que je le mets sur le même piédestal que Marc-Antoine, là, que c'est pratiquement son film de vampire préféré. Mais j'ai trouvé que c'était un film très intéressant et très avant-gardiste. Parce que comme son frère Ridley Scott, avec son Blade Runner, qu'on peut facilement voir des liens en termes de photographie et de visuel, t'as vraiment l'impression que Tony Scott en est beaucoup influencé dans son The Hunger. T'as vraiment des plans qu'on dirait que ça sort de Blade Runner par moment. Je trouve que c'est deux films qui ont planté à son époque, juste parce qu'ils sont pas sortis à un moment que le monde était prêt. Je vois ta face, Sylvain, mais je suis sûr que... Je l'entends souvent cette phrase-là, mais je trouve que ça s'accorde bien pour Blade Runner et The Hunger. Tu sais, The Hunger, c'est un film que j'aurais vu de nos jours comme un Let the Right One In. J'aurais pas vu un Let the Right One In en 1980. C'était pas fréquent. Fait que je crois que c'est comme un changement abrupt de comment décrire le vampirisme ou comment l'utiliser au cinéma. C'est pas quelque chose qu'on avait déjà vu avant The Hunger. Je pense que c'est un peu en ça, c'est ça pourtant qui a dû un peu déstabiliser les gens, parce que comme vous dites, l'histoire est pas grand-chose, ça passe tout par le feeling des personnages puis son visuel, parce que le film, sa plus grosse morale, c'est surtout sur la solitude, t'sais, on voit beaucoup ça, surtout sur le personnage de la vampire égyptienne qui a tellement peur de vivre dans la solitude, fait qu'elle se trouve un mari à toutes les décennies, puis elle garde même leur corps, puis c'est quelque chose qui la dévore, fait que moi je trouve que c'est un film qui fonctionne justement sur son visuel pour te faire ressentir des choses, mais qui en même temps, ça n'a pas l'air de raconter grand-chose. J'ai trouvé David... Oui? T'as dit quelque chose, Audrey? Je pense qu'elle nous a perdu. Ah, je sais pas, c'est weird. Ok, continue. Ok. Mais j'ai trouvé David Bowie vraiment intéressant dans son rôle. Il me faisait pitié. Dès que tu commences à le voir vieillir graduellement, de manière très rapide, il va avoir une scène avec une jeune fille qui vient pratiquer la musique avec eux. Puis je trouve que c'est une scène vraiment forte, puis vraiment, vraiment belle visuellement, mais qui est vraiment... déchirante. C'est une scène que j'ai trouvée difficile et vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir Tony Scott faire ce style-là. Je suis tellement habitué de le voir avec son Top Gun, Day of Thunder, True Romance. Il a quand même assez varié ses styles, mais le voir à l'horreur comme ça, je trouvais que ça allait bien. Puis j'aurais trouvé ça intéressant de le voir peut-être réessayer avant sa mort. Mais sans vouloir trop élaborer plus que ça, vu que c'est comme on disait, c'est très visuel et stylisé comme film. Je le conseille, je trouve que c'est un film vraiment intéressant. Et moi, je trouve vraiment que c'est un film qui était trop en avance sur son temps et que ça a été boudé un peu à cause de ça, mais qui mérite à être redécouvert. Même si je crois pas que c'est un des meilleurs films de vampires que j'ai vu dans les dernières années, je crois pas qu'il ferait partie, exemple, de mon top 5. Là. J'ai d'autres préférences. Puis Kiss of the Dam est un meilleur choix en tant que tel en termes d'érotisme, parce qu'on m'a vendu The Hunger comme un film très érotique et sensuel. Et j'ai pas eu le feeling de ça avec ce film-là. Je trouvais que ça dégageait pas tant que ça, la sensualité. Fait que sur ce point-là, j'étais un petit peu déçu. Et toi, Audrey, qu'est-ce que t'en as pensé de The Hunger? Ouais, j'avais beaucoup d'attentes parce que mon chum m'avait dit « Ah, oh, tu vas voir, c'est vraiment bon. » Puis, en tout cas, j'espère qu'il écoute pas parce que j'ai pas tant trippé. Moi aussi, comme Sylvain, genre, je l'ai vu quand même semi-récemment. Genre, puis j'ai déjà de la misère à me rappeler. Genre, tu sais, j'essayais de chercher quelque chose à dire dans ce film-là. Puis, tu sais, je n'ai pas trouvé que c'était marquant. C'était plus beau que bon, j'ai trouvé. Esthétiquement, c'était beau, mais, tu sais, je sais pas, ça m'a laissé assez indifférente l'intrigue et le sort des personnages, là. C'est ça. Ben, écoute, je pense que vous vous rejoignez pas mal. Ben, on va Steven aussi? Steven, tu l'as-tu vu? Oui, j'en ai quand même parlé plus en bien que Sylvain, mais c'est pas non plus un coup de cœur ou une claque, là. OK. Donc, le prochain film, c'est Alléluia. Et Alléluia, Audrey, t'es revenue. Je prends ton gag, Steven, pour nous en jaser, parce que t'es la seule à l'avoir vu cette semaine. Oui. Oh! Mais c'était la suggestion à Steven. C'est ça qui est drôle, moi. Ouais. OK. Ouais, Alléluia, c'est l'histoire d'une fille, je me souviens plus son nom. Attends, appelons-la Je pense que l'actrice, elle s'appelle Lola, fait qu'on va l'appeler Lola, OK? Et Lola, elle se fait matcher par quelqu'un sur un site web internet, puis elle va sur une date avec un peu à contre-cœur. Mais finalement, elle tombe follement en amour avec lui pour se rendre compte, mais c'est pas un gros spoiler, là, pour se rendre compte que ce gars-là, son truc dans la vie, avec comment il fait de l'argent, c'est arnaquer des femmes dans la quarantaine qui sont un peu seules comme elle. Genre. Fait que... Il les met en confiance, puis après ça, il fait semblant d'avoir un imprévu, puis d'avoir besoin de l'argent, puis là, vu qu'elles sont seules et en manque d'amour, souvent ça fonctionne, puis il donne de l'argent. Puis au lieu d'être fâchée, puis de lui en vouloir, mais elle dit « Amène-moi avec toi, puis on va emmener ça au prochain niveau. » C'est le fait de crosser des vieilles madames qui sont toutes seules. Je vais t'aider là-dedans. Fait qu'il accepte. Puis finalement, on se rend compte que c'est bien que Michel, ça soit vraiment un crotté, ben qu'elle est encore 5000 fois plus folle que lui. Dans le fond, c'est une relation abusive où Michel est la victime. Et ben je dirais pas qu'est-ce qui va se passer, mais c'est très sanglant. Il se passe des choses très dramatiques. Et ben moi, je te remercie pour cette suggestion-là, Steven. J'ai aimé ça. L'actrice principale est incroyable. Je l'avais déjà vue, je pense que c'est dans un film de Pedro Almodovar. Puis dans ce rôle-là, elle est vraiment crédible dans sa folie. Et c'est ça, au début, je me disais genre, oh mon Dieu, elle n'a pas de respect pour elle-même. T'sais, je criais après ma TV comme, non, respecte-toi, donne pas ton argent à Michel. Puis finalement... Tu t'attends pas à ce qu'elle soit 10 000 fois plus folle que lui, puis à ce qu'elle emmène ça à un autre niveau. Là. Fait que moi, je vous le conseille. Excellent. Ah, j'ai envie de le voir, là. Excellent. Ouais, c'est ça que j'allais dire, tu me donnes vraiment envie de le voir. L'aurais-tu vu dans Volver, dans le mois d'avant? Ça doit être ça, ouais, je l'ai vu, fait que... Ouais. Ben... Sur ce, le prochain film qui était à jaser, c'était Hour of the Wolf, mais c'était le film de ce soir, et je crois que personne ne l'a vu. C'était la suggestion de Jean-François. Jean-François n'est pas là, mais sur notre site, il a écrit sa critique, alors je vous invite à aller la lire pour savoir ce qu'il en a pensé. Et sur ce, on va aller passer en musique, se prendre une petite pause. Je sais qu'Audrey a déjà pris sa pause, mais bon, nous, on va aller. Ben, c'était un peu rushant. C'était pas une pause, vraiment. Donc, on va prendre le temps d'aller prendre une pause. On va revenir par la suite pour jaser rapidement de Trick or Treat et des films qu'on a vus qui ont dérogé de la liste. Et on part en musique avec Cemetery Polka de Tom Waits. On se revoit. Dans quelques minutes. Coffee, Coffee, independent as a hog all night. He's a big shot down there at the slaughterhouse. Plays accordion for Mr. Weiss. On est de retour pour ce troisième bloc, dernier de ce quatrième épisode, et dernier lui aussi, des 31 jours d'horreur. Mais ce n'est pas le pire bloc, je crois, parce qu'on va quand même jaser du film qui couronne ces 31 jours. Et j'ai nommé notre classique Trick or Treat. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, hors d'onde, on a jasé par-dessus jasé de Trick or Treat. Je pense pas qu'on ait besoin de raconter qu'est-ce que c'est, à part de dire que c'est une anthologie d'Halloween qui est rapidement devenue un classique pour plusieurs. On n'a pas besoin de résumer les histoires non plus. Si vous l'avez pas vu, vous êtes en train d'écouter le podcast, allez juste l'écouter, c'est ce que je peux vous dire. Mais j'aurais quand même aimé vous entendre en jaser rapidement, au moins dire qu'est-ce que c'est vos histoires préférées. Puis, ben regarde, ça fait quelques films que j'ai pas vu, je vais me lancer. J'ai un faible pour cette histoire d'autobus et ses enfants qui descendent. Le genre d'ascenseur de métal qui va sur le bord de la plage avec cette... qui vont voir pour voir le genre de décombre de l'autobus, ce qu'il y aurait peut-être les fantômes des anciens enfants qui sont morts, avec cette histoire sordide, là, que c'est tous des enfants handicapés mentaux qui étaient déguisés, que les parents auraient demandé au chauffeur de faire sombrer l'autobus dans un lac pour que tous ces enfants-là meurent. Ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est qu'elle est précédée d'une légende qui est totalement horrible, fait que quand t'en arrives à là, tu as comme de la pitié pour ces fantômes-là, même si tu sais qu'ils vont peut-être être effrayants. Fait que je suis comme déchiré tout le long de cette histoire-là. Il y a une belle ambiance. Les jeunes, rapidement, il y en a que tu détestes, il y en a d'autres que t'aimes. Non, c'est ça. C'est l'ambiance qui... À toutes les fois que je le réécoute... C'est pas l'ambiance, pardon. C'est l'histoire qu'à toutes les fois que je le réécoute, même si les autres m'amusent beaucoup, c'est celle-là qui réussit encore le plus à me captiver à 100%. Qui veut se lancer? Par la suite. Ben, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est mon histoire préférée. Autant je comprends... Ouais, je suis vraiment le party pooper ce soir. Autant je comprends que tout le monde tripe sur ce film-là, puis autant quand il passe à la télé, je vais le regarder puis je vais avoir du plaisir. Autant je suis pas fan comme vous l'êtes tout, là, vraiment pas. Je le trouve bien, je le trouve sympathique, mais c'est pas un film qui m'enlève et qui me transporte. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, en fait. Je sais que le monde, les gars de Horror Grammar, ils tripent sur ce film-là, puis c'est un classique pour eux. Puis moi, je l'ai vu il y a quelques années, puis je l'avais trouvé bon, mais c'est pas un film que je réécouterais à chaque année. Je trouve pas que c'est nécessairement un chef-d'œuvre. Mais puis le segment qui m'aurait le plus marqué, c'était celui-là avec Anna Paquin, où est-ce que c'est la puberté est comme une métaphore pour le lycanthropisme, là, finalement. Ou, c'est... Spoilers! Oh, shit. Ben, pendant tout le monde... Je pense que tout le monde a vu Trick or Treat. Ça fait 3 ans qu'il est sur la liste. Fait que... Ouais, c'est ça. Ça fait notre troisième 31 jours, puis c'est la troisième fois qu'il est là. Et je pense qu'on a reperdu Audrey. Elle nous aura laissé sur un spoiler. Ouais, c'est ça. Ben écoute, Steven. Elle était tellement énervée d'avoir fait un spoiler. Que ouais, c'est elle ça. Elle en a échappé son téléphone dans le bain. Steven, ben le temps qu'Audrey revienne, Steven, je te laisse t'en lancer. Ben moi, j'ai de la misère à choisir un segment parce que je trouve que Trick or Treat forme vraiment un tout. J'aime quasiment tous les segments de façon pas mal égale. Mais moi, je considère que c'est un classique parce que c'est un des films qui représente le mieux d'Halloween. L'ambiance est omniprésente. À aucun moment dans le film, t'as pas l'impression d'être durant la fête d'Halloween. J'aime beaucoup comment le réalisateur relie toutes les histoires. Puis si j'avais besoin d'en choisir une, je pense que je choisirais celle-là des loups-garous. Donc la même Audrey. En a pas qu'un, dans le fond. Parce que j'aime tellement l'idée que les monstres, durant l'Halloween, mettent des costumes, puis que les costumes soient celui des humains. Je trouve ça intéressant. Puis justement, quand tu revois le film par la suite, quand Anna Paquin et ses amis essayent les costumes... Dans les cabines d'essayage, je trouve ça tellement drôle parce qu'en même temps, quand tu connais un peu leurs origines, ben ça, les dialogues sont juste plus savoureux à ce moment-là. Surtout un apocalypse qui porte le petit chaperon rouge. Ce que j'ai aimé dans cette anthologie-là, puis qui est un peu souvent la problématique dans la plupart des anthologies, c'est le segment, c'est la façon de relier toutes ces histoires-là. Soit c'est un segment qui est très faible. Je vais penser au VHS ou Tales from the Dark Side, c'est ça? Tales from the Dark Side, ouais. C'est le petit gars qui est enfermé puis qui raconte des histoires à une sorcière. Ouais. C'est ça, ouais. Tu sais, c'est souvent des prétextes. Puis je pense que Trick or Treat a la qualité d'être une anthologie sans te donner la mécanique d'une anthologie. Tu sais, ce qu'on est habitué de voir, ce qui est une histoire, on revient au segment, une autre histoire, puis tout ça. Comme tu dis, le fait que ça se rejoigne tout. Moi, j'ai l'impression de regarder un vrai film. Mm-hmm. Ouais, exactement. Puis j'ai aucune nouvelle d'Audrey qui est en train de revenir. Non, attention. C'est pas ma soirée. Allô? Tu es de retour. Tu nous as laissé sur un spoilers. Non, ouais. Non, mais c'est ça, là, qu'ils font une... Je parlais du segment avec Anna Paquin qui font une métaphore entre comme son éveil sexuel, la lycanthropie, là, si je me souviens bien. Ouais. À la fin, spoilers. Je pense qu'elle va se faire attaquer par un homme, puis dans le fond, c'est elle qui bouffe des gars pour sauver. Par cet homme-là, on l'a déjà vu auparavant ne pas être très très gentil envers certaines personnes. Fait que on a dans un autre segment, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est celui du début, si je ne me trompe pas. Fait que c'est ça mon impression de Trick or Treat. C'est comme bon, mais pas tant mémorable. Ben, c'est ça, je pense qu'on, de toute façon, on ne reparlera pas plus longtemps de Trick or Treat. On va reparler l'année prochaine, de toute façon. Es-tu dans votre liste à chaque année? C'est, ouais. C'est notre 31. OK. S'il y a d'autres films d'Halloween à mettre dans, comme classique, on va y mettre les autres journées, mais Trick or Treat, c'est notre 31. Okay. Là-dessus, les films qui ont dérogé de l'horaire, je sais pas jusqu'à quel point vous en avez écouté. Sylvain, je sais que tu veux nous faire un suivi de ton écoute d'American Horror Story Hotel. Ouais, donc j'ai terminé la saison et j'ai bien aimé ça, j'ai bien apprécié. Je suis beaucoup plus positif par rapport à ce que je disais la première fois. Je continue de dire que c'est peut-être la saison la plus faible, mais... Ah ouais. Ouais, mais là, je parle de Hotel. Mais t'as tout écouté, sauf que c'est elle la plus... Ben, j'ai pas regardé la nouvelle, là. Mais ouais, je trouve que c'est peut-être celle-là qui me plaît. Ben, j'aurais du mal à dire entre celle-là et Coven, parce que Coven, j'ai un peu moins aimé, mais en même temps, je veux dire, une saison d'American Horror Story que j'aime moins, c'est quand même une saison que j'aime beaucoup plus que beaucoup de choses qui passent à la télé, là. Donc, mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis, j'avais oublié de mentionner le jeu de Evan Peters. Je sais que tout le monde capotait sur Jessica Lange, puis moi, j'étais tanné de toujours la voir faire le même personnage tout le temps. Là, voir Evan Peters là-dedans, fait Evan Peters, il change, il se métamorphose d'une saison à l'autre, il est vraiment intéressant. Puis dans cette saison-là, il est ailleurs, là. C'est une espèce de John Waters, psychopathe, avec un accent impossible, qui se peut pas... il est vraiment trop bon, je suis vraiment fan de lui dans cette série-là. Et ben c'est ça, Jessica Lange ne m'a pas manqué, je suis bien content qu'on ait passé à autre chose. Puis la fin, elle est très satisfaisante aussi. Contrairement aux autres saisons où je disais que le dernier épisode, des fois, on sent qu'il est comme un peu, c'est un peu une rallonge, là, c'est comme un épilogue, quand ce n'est plus de finir. Dans cette saison-là, j'ai pas trouvé, je trouvais que c'était, il n'y avait pas d'épisode de trop, là. C'était juste parfait comme c'était. Et puis, c'est pas tout ce que j'avais à dire. Ah oui, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que, on retrouve, je vais pas le spoiler, mais on retrouve dans cette saison-là un personnage qu'on avait déjà vu dans une autre saison. Et j'aime pas du tout ce qui arrive à cette personne-là dans cette saison-là. J'aime pas du tout qu'est-ce qu'ils font de ce personnage-là. Je trouve ça bien plate. Je suis d'accord. Ouais. suis d'accord avec toi pour Jessica Lange, puis je trouve que c'est malheureux, mais j'ai l'impression que tu savais jamais quoi faire avec elle. Tu sais, disais comme que c'est une grande actrice, fait qu'on va y faire faire plein d'affaires super dramatiques, puis ça finissait tout le temps qu'elle jouait une femme sur le bord de la crise de nerfs, peu importe c'était quoi son personnage, puis je trouve ça plate. En fait, l'affaire, c'est que dans la saison 1, elle était très bonne, mais c'est un personnage secondaire. Là, elle a gagné un prix, elle a gagné un Golden Globe pour sa performance dans cette série-là. Fait que là, elle est revenue dans les saisons 2, 3, 4, et on dirait qu'il voulait la pousser, il voulait la mettre, elle, de l'avant. Puis c'est pas nécessairement la chose à faire. T'sais, elle était intéressante quand elle était en personnage secondaire, mais elle n'est pas forcément intéressante quand elle a le focus sur elle. Mais bon. T'as fait raison. Toi, Audrey, as-tu visionné des trucs qui n'étaient pas sur la liste cette semaine? Oui. J'ai écouté un film, puis c'est All Good Things, puis un documentaire sur... le documentaire aussi, c'est sur le crime, ça s'appelle Who Took Johnny. J'aimerais ça faire une parenthèse, puis avoir votre avis par rapport à ça. Si vous considérez les trucs qui ont rapport au crime ou les affaires true crime, que ça fait partie de l'horreur. Parce que moi, personnellement, ça fait partie de l'horreur pour moi, parce que les choses qui sont ancrées dans la vraie vie, ça me fait plus peur, ça me rend plus anxieuse que quelque chose d'abstrait comme un monstre ou un fantôme. Ça, tu sais, je peux écouter un film par rapport à ça et pas avoir de cauchemar. Alors que si je vais écouter un film, un documentaire sur une home invasion, puis après ça, j'aurai de la misère à dormir. Fait que j'aimerais ça avoir votre avis sur qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous incluez ça dans les films d'horreur? Écoute, moi, je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus, dans le sens où, généralement, je peux regarder à peu près n'importe quel film puis j'aurais pas de problème. Mais je vais regarder un documentaire sur, genre, ben, pas un documentaire, mais tu sais, une émission, genre, Dossier Mystère, là, sur des enlèvements d'extraterrestres avec le témoignage de la vraie personne, puis une reconstitution faite par des acteurs qui sont comme semi-professionnels, pas super bons, ça me terrifie. Ça, ce genre d'affaire-là, ça me fait vraiment peur. Puis j'embarque vraiment là-dedans. Fait que... Ah, mais tu vas aimer saison 6 de AHS d'abord. Ouais, ben je sais un peu de quoi ça a l'air, là, fait que j'ai bien hâte de la voir, mais ouais. Mais moi, je te dirais que si on reste dans tout ce qui est... réaliste, ça va dépendre du traitement. Tu sais, parce qu'il y en a qui vont essayer d'être très très informatifs sans trop faire de. Dès qu'il y a de la reconstitution, ouais, moi je dirais que ça traite de. Ça peut tomber dans l'horreur ou en tout cas dans le. Quelque chose qui peut effrayer, là. Mais dès qu'on tombe peut-être plus dans l'informatif, ouais, ça va être le traitement. Ça va être le traitement qui va me dire. Ça dépend. Si ça... Des fois, des reconstitutions, c'est à chier, là. Ouais. Ouais. Ouais. Ça, ouais, en effet. Mais, tu sais, je vais passer exemple, sans ces trucs-là de reconstitution, tu sais, le film Le Zodiac de David Fincher, tu sais, il y a une ou deux scènes là-dedans qui m'ont foutu la chienne. Tu sais, que. Ben oui. Tu sais, là, que tu fais comme fuck, je suis en train d'écouter un film d'horreur, moi, là. Tu sais, même si 95% du film, ce n'est que des enquêtes. Une enquête plutôt, mais puis c'est du monde qui cherche dans des dossiers puis tout ça. Non, à la fin, ce film-là m'avait quand même marqué puis m'avait laissé un bon frisson. Toi, Steven? Il y avait un film avec Mila Jovovich qui parlait dans le les points. Ouais, c'est kind. Ça. Et ça, tu vois, moi, ça n'avait pas marché sur moi du tout parce que je voyais la gimmick puis je n'étais pas convaincu par le truc, mais. Tu vois, moi, je m'étais fait avoir. Ah ouais? Ouais, puis à la fin, j'ai fait avoir moi aussi. Ouais. Ça avait bien marché, moi. Toi, Audrey, est-ce que tu l'avais vu, ça? Non, je sais pas c'est quoi. Non, ok. Mais c'était un petit mal aimé, mais pourtant, il était encore efficace, même quand tu sais la gimmick par la suite. Je trouve que c'est quand même un film qui a des bonnes scènes. Je m'amuse à le conseiller aux gens sans leur dire que c'est une gimmick, puis c'est toujours le fun. Puis toi, Steven, les trucs tueurs? J'ai de la misère à associer documentaire et film ensemble parce que dès que ça traite de faits véridiques, c'est pas la même chose. Quand je regarde un film que c'est de la fiction puis un documentaire sur un tueur qui a réellement existé, c'est de l'horreur, oui, on peut associer ça, mais c'est différent du cinéma selon moi. C'est peut-être juste le fait que c'est vraiment tiré de faits réels. T'sais. Est-ce qu'on va regarder de la même manière un film qui est basé de manière fidèle à un fait vécu qu'un documentaire qui traite justement de quelque chose de réel qu'un film de fiction? Je crois que ça va dépendre, comme un peu Sébastien, du traitement. Si c'est vraiment traité proche de la réalité, je crois que je pourrais associer par moment à des films à des documentaires. Sinon, je pense que j'y mets dans deux sections différentes, malgré que les deux touche à l'horreur pareil, mais de façon différente. Mettons comme Cropsey ou Killer Legends, t'es as-tu vu? Non, j'ai pas vu ceux-là. Mais il m'intéresse Cropsey. Il est sur ma liste. Ok. T'as peu Cropsey, je l'ai-tu vu? Il est sur ma liste, je pense. Ouais. C'est. Oui, les qui vont faire. À Long Island, il y a dans un asile psychiatrique, là. Comme exemple, j'ai écouté il y a quand même depuis un moment le documentaire de Nightmare par le gars qui a fait Room. Ouais. Oh, j'ai tellement trouvé ça à chier. j'ai détesté parce que justement, il a décidé de prendre des entre guillemets faits réels de gens qui racontent ce qui est arrivé et de tourner des reconstitutions vraiment de films d'horreur. Ouais. C'est là que je me suis dit le mélange réalité documentaire et film fonctionne pas ensemble. Ou peut-être c'est juste eux qui ont mal fait, mais ça a gâché leur concept. J'ai pas du tout aimé, moi non plus. Non, ben, J'ai vraiment détesté les deux films de ce gars-là. Celui-là sur The Shining, puis celui-là sur les terreurs nocturnes, parce que, tu sais, c'est juste des... Tu sais, c'est des gens qui, on dirait qu'ils ont pris sur la rue avec des théories du complot, mais c'est du présenté comme un film, un documentaire légitime, mais tu sais, c'est n'importe qui. Moi, je pourrais avoir passé dans ce documentaire-là en disant que j'ai vu Satan en me réveillant pendant la nuit. C'était ce genre d'anecdote-là. Exactement, j'ai reproché justement ça. J'ai rien appris, là. Non, c'est ça, ouais. Parce qu'à la fin, tu fais comme, ben lui, il pense que c'est ça, puis lui, il pense que c'est ça, puis lui, il pense que c'est ça, puis ça, il pense que c'est ça, puis tu fais comme, ben non. Pensez bien ce que vous voulez, finalement, on le sait pas. Tu sais, c'est pas rendu là, j'ai rien appris, là. C'est pas un documentaire, là. Ce n'était qu'une série de reconstitutions. C'était des témoignages et des reconstitutions. C'était tout. Des témoignages très douteux. Il y avait du monde là-dedans qui te disait, ouais, toi, je fais plus ou moins confiance. Non. Je parle aux anges depuis que j'ai 2 mois. Ouais. Mais tout ça, parce que sinon, ben, pour avoir parlé avec certaines personnes qui souffraient de terreur nocturne, de les entendre parler, c'est plus effrayant que ce film-là. c'est la preuve que j'ai pas trippé non plus. Sinon, ben Audrey, tu nous as lancé avec cette question-là, mais je te laisse continuer. Sur À part All Good Things to Who Took Johnny, j'ai écouté aujourd'hui, j'ai écouté Victor Frankenstein avec James McAvoy puis Daniel Radcliffe. Si vous l'avez vu. Non, j'ai pas osé. Puis, c'est la première. Tu sais, j'ai même pas lu le roman par Mary Shelley. J'ai jamais vu aucun des films Hammer. Fait que c'était ma première introduction à ça. Tu sais, même si je savais un peu en quoi ça ce que l'histoire comportait. Puis, c'était pas comme extraordinaire comme film, mais je vous le conseillerais quand même. Là. C'était assez agréable. Daniel Radcliffe, je trouve qu'il est tout le temps bon. Je l'aime beaucoup. Mais c'est vraiment triste comme histoire. Oui. Ça m'a fait de la peine. La créature, elle n'a jamais demandé à vivre, puis elle va avoir zéro qualité de vie. Je trouve ça cruel. Ça me fait passer au test sur les animaux. Ça m'a fait de la peine. Mais c'est juste moi qui ai fait ce sentiment-là. Mais non, il y a ça dans la thématique de Frankenstein. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent pas. Ils pensent rien qu'au monstre et pas à tout le drame derrière. Qu'est-ce qu'il y a, Steven? Je te conseille le Frankenstein de Bernard Rose, le réalisateur de Candyman, qui est sorti cette année. Il est sorti ici par VVS, la pochette est hideuse, fait que c'est pas attirant, mais c'est une version modernisée du conte, puis il a vraiment essayé de faire de quoi de nouveau avec, en restant fidèle. Et je te dirais que c'est une des versions qui m'a fait le plus pleurer. Tu ressens le plus le côté très enfant de la créature. La manière qu'il naît dans ce film-là, c'est vraiment comme un nouveau-né à nourrir au biberon, toutes ces choses-là. Puis tu sens le côté humain là-dedans. Puis honnêtement, les 30 premières minutes, là, c'est déchirant. Là, j'avais de la peine. tandis qu'elle, elle essaie quasiment de le traiter comme un enfant. Puis t'as le savant, qui s'appelle pas Frankenstein dans celle-là, qui le traite vraiment juste comme un sujet, mais alors qu'il réagit vraiment comme juste un enfant qui comprend pas des choses. Puis ça m'a vraiment un peu bouleversé comme film. Je trouve qu'il mérite beaucoup à être découvert, puis passer un petit peu dans le beurre. Fait que je vous le recommande. Okay, ben tu t'enverras un lien. OK. C'est pas parfait comme film. Il y a des petits défauts, entre autres dû au budget. C'est un petit peu cheap par moment. Mais sinon, globalement, ça a été une très belle surprise pour moi. Puis je suis étonné que tout le monde parle tout le temps de la version avec Daniel Radcliffe, alors que celui-là mérite à être plus connu. Mais j'imagine que c'est parce que c'était vraiment un gros budget. Puis ils ont... Ouais. C'est ça qui arrive. J'en ai même pas entendu parler, c'est là que tu as mentionné, je pense. Moi non plus, c'est dommage. Pourtant, on a quand même Carrie Ann Moss, Tony Todd, puis Danny Huston. Oui, le Huston, casting est solide. Donc, non, excellent. C'est ça pour moi. Super, merci. Et toi, Steven? Ben moi, j'ai revu... tu me prends pendant une gorgée. Moi, j'ai revu The Hills Have Eyes, l'original de Wes Craven, que j'ai pas revu depuis des années parce que j'avais pas beaucoup aimé. Je le voyais comme une série Z qui a très mal vieilli et je préférais la version d'Alexandre Aja. Fait que j'ai écouté The Arrow en version 4K, l'image vraiment merveilleuse, et j'ai beaucoup plus apprécié maintenant. J'ai de la misère à comprendre comment j'ai pu trouver que c'était une série Z. J'étais comme, c'est loin d'être ça. C'est peut-être le côté un petit peu cheesy des mutants qui peut paraître, mais je trouve jamais que le film tombe dans la série Z. Puis j'avais oublié à quel point que la première heure du film de Aja puis celle-là sont vraiment identiques. C'est très, très, très proche. Mais ça m'a vraiment plu la manière que Graven, contrairement à Aja, traite la vengeance. Tandis que dans la version de Aja, la dernière minute, les dernières 30 minutes, c'est quasiment jouissif, la partie vengeance. C'était avec le personnage, puis c'est quasiment comme vengeance, fuck yeah, rendu à la pioche dans la tête. Tandis que dans la version de Craven, c'est moins glorifiant, surtout que les personnages ne veulent pas aller vers la violence, mais à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Puis la finale du film mise beaucoup sur ce côté très ambigu du gars qui a atteint une certaine limite, puis qui n'a rien de glorifiant à vouloir venger toutes les choses qui sont arrivées auparavant. C'est une version plus... je trouve qu'on retrouve un peu sa mise en scène documentaire de Last of on the Left, mais en mieux maîtrisé, évidemment, plus de budget, plus d'expérience. Et c'est vraiment un film plus intéressant que qu'est-ce que j'avais en tête. Je préfère encore la version de Aja pour son côté plus brutal et plus... ça secoue plus les tripes, tandis que l'aspect choc de l'original a été un petit peu perdu, selon moi. Mais honnêtement, je retire un petit peu toutes les mauvaises choses que j'ai dit sur la version de Graven. C'est un film que je vois avec de meilleure qualité maintenant. Cool. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Sylvain? Parce que je sais que toi, tu... Moi, je l'aime beaucoup. Je suis pas trop. Je suis pas trop d'accord. Je trouve que ce film-là, il a vraiment. Il a rien perdu à mes yeux. Puis je trouve que sa fin est vraiment supérieure à celle d'Alexandre Aja. Parce que oui, Alexandre Aja, il te donne ce que tu as envie de voir, là, une grosse revanche et tout ça, mais comment le film de Craven se termine, je sors de là, puis je suis comme OK, là. J'ai besoin de prendre une pause. J'ai besoin de prendre un petit calmant parce que tu sais que cette personne-là... En fait, tu vois pas ce qui va se passer, mais tu sais ce qui va se passer. Puis tu sais que les gens, ils sont détruits pour le restant de leur jour. Là. Bref, c'est un film qui m'a vraiment touché. Ceci étant dit, ce que je trouve drôle de ce film-là, c'est que dans le remake, ils ont vraiment fait des gros maquillages pour les mutants. Puis tu sais, ils sont vraiment... Wrong turn, Puis, alors que dans l'original, tu te dis, il y a quasiment pas de maquillage, en fait, ils ont juste casté des gens parce qu'ils étaient... Ils forme, oui. C'est vraiment... Mais ils font très homme des cavernes, là. On dirait vraiment des rebuts de la société qui n'ont jamais été en contact avec personne, pratiquement. J'ai vu... Pour la première fois, encore une fois, édition d'Arrow, Eaten Alive, de Tobe Hooper, que... Maudit que j'aime de plus en plus ce réalisateur-là, puis finalement, il prend beaucoup de place dans mes réalisateurs favoris de plus en plus. Puis j'avais bien hâte de voir Eaten Alive. J'ai eu du fun, c'est un film très, très spécial. Il y a un aspect très greenhouse là-dedans. Et ça ressemble vraiment à une version... Texas Chainsaw Massacre de Psycho. On dirait vraiment que Psycho a passé dans le mood Tobe Hooper, puis a essayé de l'adapter à sa façon. Puis c'est vraiment weird parce que tout se déroule dans le petit hôtel, presque d'un petit marécage avec un crocodile. Puis le gars de l'hôtel s'amuse à tuer ses clients et à le donner à son crocodile. Mais tout le set, c'est tout le temps fait comme sur un plateau. Tu le sais que c'est un plateau, c'est pas naturel, mais ça donne une ambiance weird au film. Puis dès qu'il fait jour, c'est une grosse lumière rouge, rouge, rouge. C'est tellement fake pour représenter le soleil, mais honnêtement, ça rajoute vraiment de quoi au film, à l'ambiance. Fait que tout le long du film, il y a vraiment une ambiance weird. Puis tu retrouves l'actrice de Texas Chainsaw, Marlene Burns, je veux pas mal dire son nom, qui se fait encore maltraiter là-dedans. C'est triste pour elle, elle est pas chanceuse. Elle a dû vraiment être très traumatisée par ses expériences avec Toby Hooper. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai eu du fun. C'est beaucoup, beaucoup moins maîtrisé qu'un Texas Chainsaw Massacre. Puis il essayait d'autres choses, fait que je le prends pour qu'est-ce que c'est. C'est pas un grand film, mais il y a ses qualités. Je reconnais la folie que Toby Hooper essayait de reprendre de son Texas, que j'aime bien. Et caméo très étrange du gars de Phantom of the Paradise qui joue le fantôme là-dedans. Dans Paradise, okay. Qui, là-dedans, il joue un père de famille psychotique qui vire fou, mais à la limite du grotesque. Là, il surjoue comme c'est pas possible au point que j'en étais quasiment mal à l'aise. Là, c'est curieux. Je vous conseille de vérifier ça pour voir le film pour sa prestation. C'est vraiment étrange. Mais un petit film sympathique. C'est pas un des meilleurs films de Hopper que j'ai vu, mais j'ai trouvé ça intéressant comme film de sa carrière. Cool. Et aujourd'hui, j'ai été voir Ouija de Mike Flanagan. Ouija 2, qui est en fait la prequel. Je vais pas en parler gros parce qu'évidemment, je veux rien spoiler, je veux rien aller en détail parce que je crois que personne ici l'a vu encore. Sylvain, je le savais déjà, mais Sébastien non plus. Non, pas eu la chance encore. Mais genre, moi, je reviens pas. Flanagan nous a sorti cette année Hush. Il nous a Before Awake, même si ça a été fait avant, je le compte pareil pour cette année. Et il nous arrive avec Ouija 2. Mes attentes, je me disais, à la limite, ça va être correct. Astic, il réussit avec un film d'origine de marde à nous servir un des meilleurs films d'horreur de cette année avec Ouija 2, tu sais, chose qui était pratiquement impensable. C'est un film qui est supérieur à Conjuring sur des points et peut-être un petit peu moins efficace sur que Conjuring sur le côté jumpscare et frisson. Mais c'est un film qui mise beaucoup sur son aspect rétro, ça se passe des années 60. Fait que le côté photographie écœurant, le générique fait très rétro, qui fait très justement années 60-70 avec ses écriteaux jaunes. Le vieux logo de la Universal au début, tu sais, voir ça dans une salle de cinéma, un des premiers logos de la Universal, c'est trippant. J'étais comme, aïe, le côté nostalgie fonctionne, mais ce qui est vraiment hot, c'est que tu as l'impression de regarder un film sur pellicule. Et là, je parle pas d'un greenhouse qu'on a magané et on a beurré ça épais pour que ça te fuck d'en face. Non, c'est par moment, tu as des petits cigarette burns qui apparaissent, des petites transitions avec des petits. Ça comme s'il fallait changer la pellicule. Comme s'il fallait changer la pellicule, tu n'as jamais l'impression pratiquement de regarder un film numérique. Puis dans un air où on est juste au numérique, je trouve que ça fait du bien d'avoir ça. Ça ramène un côté unique qu'on avait dans ce temps-là avec les films en bobine, puis ça me manque des fois. Et moi, Ouija, pour y aller bien simple, je le sépare en deux parties. On a un film d'horreur très classique, fait que tout ce qui est « possession », entre guillemets, tout ça, attendez-vous pas à être révolutionné, c'est du déjà vu, c'est juste que Mike Flanagan le maîtrise fucking bien et les scènes sont super efficaces. Et le deuxième aspect, qui est plus le côté personnel de Mike Flanagan, son côté à je fais un film sur Ouija, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ce sujet-là qui soit intéressant que juste faire un film d'apparition de fantômes? Et tout ce qui fait vraiment triper avec ce Ouija-là, c'est tout le côté arnaqueur de la famille qui utilise justement la planche de Ouija puis les techniques pour rassurer les gens qui essaient de discuter avec des gens qui sont morts, qui n'ont pas eu la chance de dire ce qu'ils voulaient. Tout cet aspect-là est vraiment très intéressant. Je ne vais pas y aller en détail parce que ça a des petits twists vraiment cool. Mais honnêtement, c'est ça qui fait la force de Ouija et qui donne la touche spéciale à Mike Flanagan parce qu'il prend tout le temps soin de ses personnages, sont tout le temps bien écrits. Et ici, il n'y a pratiquement pas d'hommes parce que c'est une famille avec une mère monoparentale. Le père est décédé. Et les seuls trois gros personnages, c'est la mère et ses deux filles. Et c'est vraiment trois personnages féminins super bien écrits. Les personnages sont forts. J'ai adoré la mère là-dedans. C'est des personnages que t'aimes comme dans Conjuring. La famille est vraiment attachante. La seule différence, c'est qu'ici, je trouve qu'on a un scénario plus solide que Conjuring avec des aspects plus originaux. Puis j'ai adoré, au début, il y a une apparition de la femme de Mike Flanagan qui joue le personnage de Hush. J'ai tout de suite reconnu. Maintenant, on dirait que je ne peux plus oublier cette femme-là depuis que j'ai vu Hush. Je trouve que c'est vraiment une excellente actrice. Puis là-dedans, son caméo est sympathique. Depuis que tu l'as vu Hush ou depuis que tu l'as vu en vrai? Depuis que je l'ai vu à Hush, depuis que je l'ai encore vu en vrai, c'est encore pire. Mais honnêtement, n'hésitez pas à aller voir Ouija. C'est un film très satisfaisant qui vous en offre beaucoup plus que vous le croyez. Et moi, c'est drôle. La fin, elle m'a fait un très gros impact. Puis on me dit que ça fait pas le même impact si tu as vu le premier Ouija. Puis moi, j'ai seulement vu des scènes en particulier, mais j'ai pas vu le film au complet. Fait que pour moi, ça a été une fin extraordinaire, alors qu'en temps normal, tout le monde me disait, ben, quand tu as vu le premier Ouija, tu sais comment ça finit. Je suis comme, bah, ben, j'ai un avantage, j'ai trippé encore plus sur la fin parce que j'ignorais qu'est-ce qui allait se passer. Ah, cool. Excellent, j'ai pas vu le premier Ouija. Puis je l'écouterai pas avant d'écouter celui-là. Moi, je l'ai vu, mais c'était tellement poche que je m'en souviens plus. C'est comme effacé de mon cerveau. C'est ça qui est drôle. C'est drôle parce que Flanagan joue tellement avec les clichés. À un moment donné, les personnages veulent se séparer. Puis t'en as une qui va clairement dire ouvertement. Je pense que c'est une des idées les plus connes au monde de se séparer. C'est comme non, on reste ensemble, ok, on se sépare pas. T'sais. Puis t'es comme oh yeah, ça fait du bien d'entendre ça. Cool. C'est sûr que j'allais aller le voir au cinéma, mais Steven, tu viens encore plus de me le convaincre. Sur ce, merci, je pense que les critiques sont bonnes. Et il y a Nikki sur le chat qui dit « Tellement d'accord, Steven. Il est réellement bon, je trouve. Je l'ai préféré à Conjuring 2. » Écoute, j'ai très, très hâte. Moi, je vais passer vite parce que, comme je disais hors d'onde, j'ai été pris un peu pour écouter des films avec ma mère. Alors, je n'ai pas écouté The Hunger, ni Alléluia. Je trouvais que c'était peut-être pas approprié pour écouter ça avec sa maman. Non! Ça me tentait pas de regarder des lesbiennes vampires et tout ça. Non, regarde. Fait que je me suis dit, on va écouter ce qu'il y a à la TV. Il y avait une sélection très cool et ça donne pour faire un petit segue avec ton Ouija 2. J'ai revu Oculus, ma mère qui ne l'avait jamais vu. Donc ça passe à la télé. Je me dis, bon, j'avais aimé ça, mais j'avais eu quelques réserves. On en avait parlé dans un épisode. Moi et Steven, tu me rafraîchis la mémoire, Steven, que tu avais eu la même opinion que moi. Puis Sylvain, tu semblais dire la même chose. Le montage en tant que tel était bordélique, surtout vers la fin. Au début, c'est très bien fait, c'est vraiment trippant. Il y a des belles transitions entre le passé et le présent, super bien maîtrisé. Puis à la fin, on dirait qu'il sait plus ce qu'il fait. Je sais pas si c'est du manque de planification ou des erreurs de tournage qu'il doit rattraper au montage puis qui est un petit peu mal pris. Avec une finale qu'on finit par voir venir à l'avance puis on se dit « Ah, Colin! » Cependant, en le réécoutant, j'ai beaucoup plus apprécié ses bonnes idées. Je me suis dit, quand même, on est en train d'écouter un film avec une histoire de miroir. C'est pas rien. Et il y a une scène, entre autres, que j'ai faite comme Simonac, tu sais. Quelle scène vraiment géniale. C'est celle où la sœur et son frère s'ostinent. Puis, à un moment donné, quand ils regardent la pièce où ce qui était, toutes les caméras pointent vers le même point. Toutes les caméras se sont déplacées puis font comme « Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis la sœur fait comme « C'est correct, j'ai filmé, on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé. » Puis quand ils regardent, toute la scène de dialogue que tu as vue avant, ils l'ont faite, mais en déplaçant les caméras sans le savoir. Puis toi, tu l'as pas vu, tu sais. Fait que là, t'es comme « Ok, fuck, il se passe vraiment des choses débiles. » Puis je me suis rendu compte, j'ai fait « Colin, il y a eu des Christy de bonnes idées dans ce film-là. » Puis, je les ai beaucoup plus appréciés. Donc, même si j'ai encore eu les mêmes réserves à la fin, j'ai encore beaucoup plus eu de fun avec ce qui fonctionnait. Donc, c'était une excellente deuxième écoute et j'en suis très, très heureux. Puis, J'allais juste dire, je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai vu une fois au cinéma avec Sylvain, mais j'ai le Blu-ray depuis vraiment longtemps. Je l'avais réacheté à 8$. Puis, comme cette année avec les trois films de Mike Flanagan, c'est comme devenu un de mes réalisateurs favoris à suivre. Là, je vais comme suivre tous ses projets. Fait que j'ai envie de revoir Oculus. Fait que je pense que moi aussi, je vais y redonner une chance. Ben, tu vois, moi, c'est un peu ça. C'est que Oculus, c'était mon premier de Flanagan. Après ça, j'ai vu Hush. J'ai vu c'est Absentia qu'il a fait. Mm-hmm. Ouais. Puis là, j'ai fait « Colin, t'as peu, là. » Il y avait sûrement des trucs que j'ai manqué dans Oculus. Puis tu vois, ça a donné que c'est la télé qui me l'a offert, ma réécoute. Et j'en suis très heureux. Puis ben, ma mère, elle, les erreurs de montage, tout ça, c'est pas... c'est loin d'être le genre de truc qu'elle remarque, fait qu'elle a juste vraiment aimé ça. Puis sinon, ben j'ai revu The Ring. C'est ce qui passait à la TV samedi, puis... ben, c'est The Ring. Ben, j'ai pas besoin d'en reparler. C'est bien bon. C'est ça. J'ai peut-être trouvé un petit peu plus emmerdant qu'à l'époque, mais... Non, à l'époque, j'avais vraiment aimé ça, mais je trouve que c'est le genre de film qui est peut-être un peu... perd de son efficacité à chaque fois, mais ça, ben, c'est ça. On sait tous c'est quoi The Ring, puis je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Mais ça, c'est-tu encore bon? Parce que honnêtement, moi, je suis vraiment fan de la version originale, puis j'ai pas revu le remake depuis longtemps. Écoute, il y a certaines scènes que je m'étais rappelé comme étant super efficaces, puis là, je les ai revues, puis j'ai comme fait, wow, c'est correct. Ouais, moi aussi, c'est la même chose, probablement par le fait que j'ai plus 12 heures. Ben, aussi, puis puis la surprise de la première fois, là, ça reste que la première fois. Puis, mine de rien, quand The Ring est arrivé ici, c'était un des premiers remakes de G-Horror, un peu, de... C'est pas mal le premier. Ouais, ben, c'est pas... Il n'y avait pas encore Ju-On. Même au Japon, je pense que Ju-On n'était même pas sorti. Ça a été le premier. Là. Fait qu'il y avait quand même de la nouveauté. Énormément de nouveautés dans ce film-là. Qu'aujourd'hui, on fait comme, mon Dieu, quelle recette qu'on a vue des milliers de fois. Mais c'est ça. Fait que le film perd en efficacité, mais faut pas y enlever tout le mérite qu'il y a pour avoir amené aux États-Unis un genre qui était populaire en Asie. J'ai vu ce film-là dans une salle pleine et la salle à la fin était complètement terrifiée. Mais vraiment, c'était le meilleur feeling. C'est excellent. C'est quand même une des meilleures expériences de film d'horreur que j'ai eu au cinéma où la salle crie à l'unisson. Là, puis vraiment, de fait, c'est fun. La seule expérience que j'ai eue qui s'est pas mal rapprochée de celle-là, c'est quand j'étais voir le premier Paranormal Activity à Montréal dans une salle pleine. C'est comme. Honnêtement, c'est ma meilleure expérience que j'ai eue. Il y a des filles qui pleuraient. Enfin, parce que le suspense était trop intense. Fait que les filles pleuraient littéralement en sortant de la salle. J'étais comme, mon Dieu, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Hey, moi, j'ai eu du fun. Les filles pleuraient à côté. Hey. Oh boy. Mais donc, c'est ça. Puis sinon, j'ai réécouté d'autres courts-métrages. Je pensais avoir le temps de le terminer aujourd'hui, mais je suis en train de me faire un petit billet pour le site où je vais faire une liste des meilleurs que j'ai écoutés. J'aurais aimé ça de l'avoir pour demain pour les comme couronner les 31 jours, mais coudonc. Mais c'est ça, j'ai écouté d'autres courts-métrages et il y en a même certains que j'ai écoutés sur l'heure du dîner à job pendant que j'étais en train de manger mon tofu général Tao. Et, no rules. Puis... tout le monde autour qui jase et j'avais des frissons. Fait que j'ai comme fait, si j'ai un frisson dans cet environnement, c'est que c'est efficace. c'était le fun. Ben, sur ce, c'est pas mal la fin des 4 podcasts des 31 jours d'horreur, les amis. Hey, demain on pourra dire qu'on l'a fait. Yes. Ben pour ceux qui l'ont fait, qui ont tout fait pendant les 31 jours, je sais que sur le chat et sur le groupe, on a eu des gens qui étaient assidus et ça c'était vraiment trippant. Je pense que je l'espérais et ce fut le cas. C'est notre meilleur 31 jours depuis la troisième année, puis c'est vraiment l'engouement a décuplé, la participation des gens est géniale. Il reste jusqu'à demain pour participer au concours sur notre site. Alors, n'hésitez pas. Là, je le dis, ceux qui écoutent l'épisode qui sortira mardi, il est déjà trop tard, le gagnant a été tiré, mais je dis ça pour ceux qui nous écoutent live. Je ne sais pas quoi dire de plus que je pense vraiment que c'était génial comme année. On a une liste, on a rencontré des gens. C'était la première fois qu'on se retrouvait autant d'invités sur le podcast. C'était génial. Je pense qu'on n'a pas manqué d'opinions tripantes. Je pense, bon, je vais parler de ceux qui sont partis. On a eu quand même Simon qui était venu pour le premier épisode. Toujours très sympathique. Olivier qui est venu pour le premier puis qui est venu là. Mon Dieu, quel passionné. On lui donnerait le micro puis on le laisserait aller. Sylvain, t'étais là. T'es là, Trooper, les quatre fois aussi. C'est vrai, oui. Ouais. Audrey, je pense que tout le monde a découvert. Alors, donc, c'est sûr et certain que tu vas revenir pour d'autres spéciaux et critiques que tu auras vus. T'es toujours là pour nos premières de films. Fait que c'est sûr et certain qu'on va te réinviter là-dessus. Et à date, t'as juste ta critique de Blair Witch qui est sur le site, hein? Ouais, parce que c'est juste ça de récent que j'ai vu, mais tu vas aller voir Ouija, là. Mais oui, mais écoute, tu te gênes pas, les critiques d'Audrey vont toujours être sur le des site. Des chiolages. Ben écoute, il y en aura des positives. Pour l'instant, il y en a une et c'est un chiolage, mais garde. Il y a celle de moi et Steven. J'aime penser que c'est constructif, là. Mais... C'est ça, c'est ça. Exactement, faut que ça... T'sais, moi et Steven, on bavait sur Blair Witch. Ça prenait quelqu'un pour nous ramener à la réalité. On ben, verra si tu ramèneras... Alors, c'est une façon d'imager tout ça. Et on verra si tu ramèneras Steven à la réalité pour Ouija 2 ou si tu prendras... On va voir. On verra. Je suis pas mal certain qu'elle va aimer. Je crois. Non, moi aussi, je pense que j'ai aimé ça. Cool, t'as un bon feeling. Ben, écoute, qu'est-ce qu'il y a qui s'en vient? C'est le retour à la normale qui est en train de s'en revenir tranquillement. Sylvain, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? On te laisse te plugger. Toujours plus de vidéos. Toujours plus de vidéos. Toujours plus de vidéos, c'est toujours ça qu'on veut de plus. Fait que c'est correct. Just a scroll. Yeah! Audrey, on te suit toujours sur notre page Facebook que tu alimentes très très souvent avec des articles toujours cool. C'est toi qui s'occupe de... Audrey, c'est comme celle qui fait vraiment comme... Les gars, vos réseaux sociaux, là, occupez-vous ça comme du monde. Puis elle prend les rênes. D'ailleurs, notre Instagram n'a jamais été aussi, aussi pertinent à suivre que. @horrorgamer. Yes. En un mot. Ouais, sur Instagram, je n'y croyais pas, mais Audrey a amené ça pour que ce soit pertinent pour tout le monde. Donc, ça vaut la peine de nous suivre là-dessus. Et aussi, on te suit dans ton autre projet, ton projet, tes écrits sur TPL, ton petit look. Ouais, en fait. Là, je vais faire un article récapitulatif sur les costumes d'Halloween lundi soir, qui va être publié, I guess, cette semaine. Puis, pour participer, il faut que vous utilisiez sur Instagram le hashtag OOTD Halloween TPL. Donc, Outfit of the Day Halloween TPL. Okay. Et ou sinon, vous allez sur notre page Facebook, on a une publication, vous pouvez juste mettre votre photo en dessous. Puis là, je vais choisir parmi ça, puis faire un best-of, fait que si jamais... Vous voulez être internet famous. On en a un là, qui va l'être, là, Sylvain. Paz. Ah oui. Là, ça se gâche. Pour vrai, Sylvain, si tu participes, je vais te mettre dedans. C'est une promesse. D'accord. Fait que c'est ça. Puis, Steven, le bras de fer, vous venez de terminer votre épisode sur Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror Picture Show, le nouveau qui vient de sortir et qu'on a eu comme invité Sylvain, ma copine, et la copine de Jean-François. Parce que je m'incruste partout. On a eu bien du fun et Jean-François a déjà choisi le prochain épisode. On en revient à un rythme normal, mais... Je vais le laisser l'annoncer parce que je suis pas certain s'il voulait encore absolument faire celui-là. Fait que ça s'en vient. Pour Horror Gamer, c'est aussi le retour à la réalité, à la routine, quoi. Pour le prochain épisode, on y va plus mollo parce que on a vu pas mal de films de tout genre. Mais il y a un genre qu'on n'a pas eu pendant les 31 jours et c'est le film d'animation. Et là, on ne parle pas d'animation classique, là, Tim Burton ou quoi que ce soit. On va y aller dans des trucs un petit peu plus underground, dramatique. Le choix n'est pas encore tout à fait fait que On se laisse encore la liberté de changer d'idée. Mais je suis vraiment content des suggestions qui sont là. Je pense qu'on va avoir un épisode très différent de ce qu'on est habitué. Ça va faire du bien pour comme ça se remettre à neuf après ces 31 jours d'horreur. Ceux qui nous suivaient live, ben écoutez, c'est encore possible de le faire. C'est juste que ça ne sera plus automatique pour tout le monde. On va redevenir live pour nos Patreons seulement. Donc, ceux qui veulent continuer à nous suivre live, qui ont aimé l'expérience, parce que vraiment, c'est une expérience live vraiment trippante. C'est fun. Oui. Ce sera peut-être pas nécessairement des lives sur YouTube, parce que c'est difficile de créer des lives privés là-dessus. Ça fonctionne semi-bien, mais je suis en train de monter un ordinateur ici qui ne sera qu'un serveur pour diffuser du live. Ça va être probablement directement sur notre page web. Je fais des tests encore. Donc c'est ça. Pour ceux qui veulent nous suivre live, Patreon.com, patreon.com/horreurgamer, et vous avez tous les détails là-dessus. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire à part Tommy? Ah oui, ben Tommy, ben oui, merci Steven. On parlait des Patreon et j'allais l'oublier. Tommy Boy, c'est notre patron, boss Tommy. qui a droit à son petit shout-out à chaque épisode. On t'aime bien, Tommy. C'est bizarre, à moins que tu aies un autre nom. On t'a jamais vu sur live pendant les 4 semaines. Peut-être que Tommy il continue à donner et il ne sait même pas. Puis d'autres, on fait juste en mettre plein les poches parce qu'on est riches, je vous jure. Il y a d'autres concours qui s'en viennent parce que des partenariats avec des studios, on en a encore vraiment. J'ai reçu encore des DVD la semaine dernière. Je suis très content. Donc, suivez ça. Sinon, ben, je vais vous faire mon salut habituel. Sylvain, au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir été là. Audrey, au revoir. Bye. Merci d'avoir été là. Et Steven, un petit French virtuel. Merci d'avoir été là. Tout le monde sur le chat, merci. Et ceux qui nous écoutent, encore plus, merci. Et n'oubliez pas de garder ça horreur.